Salut à tous, on se retrouve après une longue pause, pas forcément voulue, puisque le numéro précédent de la FCast n'est pas en ligne. Est-ce qu'on peut parler d'épisode maudit, Duncan? Bah non, il est pas, on l'a pas fait un 13, on l'a pas fait à 13h, enfin, il y a pas le chiffre 13 dedans. Faudra vérifier, peut-être dans le code hexadécimal, il y a un 13 qui traîne, j'en sais rien. C'est ça. Non, c'est un petit souci... technique. Technique, voilà. Voilà. Ça arrive. Un petit problème d'enregistrement, notamment de qualité audio, qui fait que, bah... Là, normalement, on ne pense pas diffuser la FCast, mais c'est pas grave, on le refera probablement en période creuse, qu'on n'aura rien. Du coup, si je me trompe pas, ben c'est de nouveau le numéro 8. Vu que c'était ça la dernière fois. Et aujourd'hui, on a un petit comité, mais ça va être assez intéressant parce qu'on va aborder la question des sorties de jeux de fin d'année. Ouais, même si une bonne partie est déjà sortie, mais c'est toujours... Ouais, mais justement, ce sera peut-être justement l'occasion de revenir déjà sur quelques jeux qui sont déjà sortis, un peu marquants pour cette fin d'année, et voir un petit peu ce qui devrait arriver dans les jours et semaines à venir, avant Noël, pour peut-être en aider certains sur le choix des cadeaux, qui sait. On attaque directement avec... Je vais commencer par te demander à quoi est-ce que tu... Ils m'ont peut-être reconnu, ceci dit, hein. Je suis Duncan, voilà. Il n'y a pas Fabien aujourd'hui. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on est en petit comité. J'ai failli oublier de te poser une question. À quoi est-ce que tu joues en ce moment? Ah ben, en ce moment, tu l'as vu il y a 5 minutes avant de venir. Ouais. J'étais sur Zelda Link's Awakening. Ouais. Bon, tu ne l'avais pas entendu au précédent podcast, mais j'avais annoncé que j'allais me lancer sur Astral Chain, que je venais d'acheter, etc. C'est ça. Finalement, j'y ai joué 2 petites heures. Zelda est sorti, j'ai voulu l'essayer et j'adore. Ouais. Franchement, j'adore ce petit portage. Alors moi, je découvre le jeu. J'ai pas découvert le jeu sur Game Boy. C'est un jeu, je pense que la version couleur, par exemple, si le remake était pas sorti, j'aurais tout à fait apprécié le jeu parce que au-delà du remake, le jeu en lui-même est vraiment excellent. Ouais, j'aime beaucoup. Les musiques sont magnifiques. Je trouve les musiques absolument magnifiques dans ce jeu. C'est limite un jeu quand tu es dans le village, par exemple, au début du jeu et que tu laisses juste tourner pour entendre la musique, ça veut tout dire. Alors, si vous avez parcouru les différents tests, vous savez probablement qu'il y a quelques soucis de ralentissement. C'est vrai que venant de Nintendo, c'est quand même très surprenant. Surtout que c'est pas non plus le jeu techniquement le plus ambitieux de Nintendo. Non, c'est vraiment pas un jeu très ambitieux techniquement. Moi, la direction artistique, j'adore. Ouais, le petit côté cartoon, le petit côté mignon, je trouve que ça va très bien avec le jeu. Même maquette, carrément. Ouais, il y a un petit côté. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté plastique dans les reflets. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo YouTube il y a pas longtemps d'une personne qui expliquait pourquoi Nintendo a fait le choix de ce flou en bas et haut. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit flou. Et au début, je me suis dit c'est peut-être une limitation de la version portable. Du coup, je l'ai mis dans le dock, l'ai mis sur le vidéoprojecteur. Non, il y a toujours le flou. Bon, pourquoi pas. Et en fait, il expliquait que c'était une technique qui était utilisée dans la prise de photos, notamment de jouets, de maquettes, etc. Et que c'était donc un choix de direction artistique. Et c'est assez intéressant, ouais. Moi, ça me gêne pas plus que ça. J'avoue qu'au début, quand j'ai lancé le jeu, ça m'a surpris. Parce que j'ai l'habitude d'avoir les bords nets. Mais au bout du compte, on s'y habitue, donc ça me gêne pas du tout. Voilà. Les ralentissements sont un petit peu gênants, c'est vrai, quand on entre même dans juste une maison ou un donjon, ou même quand on ressort d'un donjon, tu retombes sur la carte principale, il y a un léger ralentissement. Alors en général, moi j'ai la sensation que si on attend un peu, ça se calme, donc c'est peut-être un petit souci de chargement, je ne sais pas exactement, je suis pas dans le secret du développement. Bon, on attend un patch, moi j'ai pas le courage d'attendre le patch, j'ai trop accroché au jeu, donc je continue. T'as bien avancé ? Je dois en être au 4e instrument, là, actuellement. Okay. C'est le genre de jeu, moi, c'était les prémices de l'open world, si j'ose dire, mais je prends beaucoup mon temps dessus, j'explore, je vais à droite, à gauche. Et mine de rien, alors là, j'ai pas joué à la nouvelle version, j'ai vu beaucoup d'images, j'ai un peu regardé 2-3 personnes y jouer, mais j'ai vraiment envie de le refaire, parce que pour moi, clairement, c'est... Toi, tu vas adorer, hein. Avec Wind Waker, c'est mon Zelda préféré. Attends peut-être le patch, voilà. et en fait, j'en garde le souvenir d'un jeu qui a posé aussi plein de bases pour la série. Bah, tu parlais d'instruments, c'est par exemple un des jeux qui a vraiment installé cette thématique qui est quand même récurrente dans l'univers de Zelda, etc. Il est vraiment Oui, parce que moi, je retrouve plein de codes de Zelda, mais d'une façon très différente dans le jeu, et ça me plaît beaucoup. Ouais. Avec le petit côté Metroid aussi, où tu peux pas avancer dans certaines zones tant que tu as pas certains pouvoirs ou autres. Certaines capacités aussi qui se mettent ensemble. Moi, j'aime beaucoup. Puis il y a des animations, enfin. Moi, je suis désolé, ça me fait toujours rire quand Link commence à piquer un sprint, tu sais, quand il obtient la charge. Ouais. Ça me fait trop rigoler d'entendre ces petites pattes courir sur place et se lancer. Il est trop, trop chouette, quoi. Il est très chouette, il est très mignon, c'est vraiment un excellent jeu. Non, vraiment, c'est gros coup de cœur. Alors, ma préférence reste quand même côté Breath of the Wild, peut-être parce que j'y ai joué avant, peut-être si je l'avais découvert sur Game Boy ou autre. Breath of the Wild, quand même, je trouve qu'il a tellement apporté de choses qu'il reste quand même devant. Mais le petit Zelda, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment. Mais tiens, moi, je suis assez curieux d'avoir des retours de jeunes qui ont découvert la licence Zelda sur le tard. Tu vois, avec des opus comme ça peut être que Twilight Princess, Skyward Sword ou Breath of the Wild, et qui vont arriver là sur un Zelda 2D et voir quels sont un peu leurs... En fait, j'ai pas découvert Zelda avec Breath of the Wild. Non, bien sûr. J'ai découvert beaucoup plus tard. Il y en a, par exemple, qui ont découvert avec Zelda 64, d'autres avec... Link to the Past. Enfin, voilà. Moi, j'ai commencé par le premier Zelda sur émulateur et oui, quand j'ai eu Breath of the Wild, le premier réflexe, je dis ah mais c'est un remake de la version NES. Ouais. Tellement on retrouvait tous les codes de base du jeu. Et donc Link's Awakening, ouais, c'est vraiment une grosse découverte, une recette qui est, enfin ils reprennent toutes les bases de Zelda puis ils refont ça dans une nouvelle recette, ça marche super bien. Le petite déception aussi, enfin très légère, c'est que en jouant au jeu, on a vraiment l'impression d'avoir le jeu original entre les doigts, mais avec des graphismes avancés, avec une technologie avancée. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas été possible pour Nintendo de permettre, comme c'est le cas dans certains jeux, dans une version HD ou même des remakes de certains jeux, non. Vous n'avez pas entendu le précédent podcast, mais ça fait partie des sujets évoqués. On avait notamment parlé de la licence Halo et de Halo Master Chief Edition, où on avait d'une simple pression de bouton, on pouvait switcher nouveau graphisme, ancien graphisme. Et je trouve que sur le Zelda, ça aurait peut-être été intéressant de le faire, serait-ce que dans la version couleur, peut-être pas la version Game Boy noir et blanc, mais pour la version couleur, ça aurait été vraiment sympa. Mais c'est vrai que ça aurait pu être cool, tu vois, j'y avais pas pensé. Ouais, moi quand j'ai joué au jeu, parce que rien que les déplacements de Link sont très carrés. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en haut, tu vas en bas, tu vas pas en diagonale, c'est vraiment très très carré. C'est aussi très carré tout le gameplay en fait, même contre les ennemis, pour prendre un exemple, les chevaliers tapent un coup sur le bouclier, ils écartent les bras, on leur tape dessus, c'est vraiment très carré. Et je pense, alors encore une fois, je sais pas exactement comment ils ont développé le jeu, mais je pense que ce genre d'option aurait été vraiment très très sympa pour les puristes, parce que je sais qu'il y en a certains qui aiment pas la direction artistique. Bon, voilà, après c'est comme ça. Bon, c'est pas qui corrige les ralentissements, je pense qu'on aura un jeu parfait. Ouais, à mon avis ça devrait arriver, parce que ça reste quand même assez étonnant de la part de Nintendo, c'est vraiment pas trop leur style. Et puis vu le temps qu'ils mettent quand même à sortir le patch, parce que le jeu est quand même sorti maintenant, enfin un petit moment, il est pas sorti il y a un mois non plus, mais peut-être qu'ils sont en train de chercher le bug et qu'ils le trouvent pas encore. C'est peut-être un petit souci qui est passé, et ça arrive, hein. Voilà. Toi, de ton côté, à quoi as-tu joué? Pour tout avouer, pas à grand chose. Je me suis consacré un petit peu à d'autres choses. Là, en ce moment, je suis plus sur des séries. J'ai fait un peu de jeux de rôle, etc. Donc, en jeu, en vrai, j'ai pas énormément joué dernièrement. Un petit peu de Minecraft. Perso, j'avoue, à part Zelda, puis un peu d'Astral Chain, mais bon, comme j'ai essayé Zelda, j'ai laissé tomber Astral Chain. Je le reprendrai, mais niveau jeu ou même film, en ce moment je suis pas trop la tête à ça, c'est vrai, en ce moment bon, ça revient doucement, le temps de me remettre en place, c'est bon, mais ouais, j'avoue qu'il y aurait pas eu le Zelda, je sais pas si j'aurais joué parce que bon, le Zelda, je fais des grosses sessions en fait, c'est surtout ça. parce que sinon c'est des petits jeux ici et là, toujours Battlefront 2 qui traîne, parce que c'est le genre de jeu sans prise de tête. Ouais, bah moi c'est un peu pareil, c'est en gros je ressors des jeux auxquels je joue déjà, j'y fais des sessions courtes, mais en ce moment je me lance pas dans un nouveau truc. Et le pire c'est que pendant ce temps-là, je continue mon abonnement à l'Humble Monthly, donc j'ai toujours 5-6 jeux par mois qui débarquent. Je récupère toujours les jeux gratuits sur le GS. La semaine dernière, il y avait juste 6 jeux. C'est autant le lanceur, la boutique, c'est pourri. Je suis désolé de le dire, s'il y a des fans. Autant les jeux qu'ils offrent, c'est juste dingue. La dernière fois, on avait la trilogie Arkham et la trilogie Lego Batman. Ouais. Sérieusement, les mecs, 6 jeux. En une semaine. Et DRM free, quoi. Vous téléchargez le jeu, vous compressez le dossier, vous le foutez sur un autre disque dur, ça fonctionne, quoi. C'est complètement dingue. Enfin, si, j'ai joué à quelque chose, mais je me le réserve pour un peu plus tard, parce que c'est un petit peu mon coup de cœur. D'accord. Du coup, on abordera ça un petit peu plus tard. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on passe déjà, du coup, déjà, ça fait déjà 10 bonnes minutes qu'on parle, aux actualités du mois. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce mois de septembre, début mois d'octobre? J'ai envie de dire merci à Rockstar, parce que jusqu'ici, j'avais pas franchement beaucoup d'actualités qui m'avaient marqué. À défaut, ça aurait peut-être été la sortie de Borderlands 3, mais moi, je suis pas fan du jeu. Et j'aurais juste parlé du petit micmac qu'il y a eu à la sortie, du fait que il y avait que une certaine presse américaine qui avait accès au jeu. Ah oui, j'ai peut-être entendu parler. Et que derrière, on découvrait qu'ils ont tous mis des grosses notes au jeu, qu'ils sont tous passés sous silence les soucis techniques, parce que le jeu ramait à la sortie, il y avait des problèmes techniques. Bon, c'est un rappel, si j'ose dire, que voilà, le monde du jeu vidéo est pas tout blanc, si j'ose dire, mais c'est pas nouveau tout ça, malheureusement. J'ai déjà vu ça il y a pas mal de temps et on reverra encore ça. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'écho. Non, c'est pas la première fois. Après, le jeu apparemment était un gros succès, tant mieux pour lui. Ouais. Voilà. Bon, moi, je suis pas un gros fan du jeu, je me suis juste renseigné. Mais de ce que j'ai lu, les retours publics sont pas aussi enthousiastes que ce à quoi on pouvait s'attendre. Moi, je vais résumer vraiment de ce que j'ai lu. N'ayant pas joué au jeu, mon avis est pas fixé. Et de toute façon, j'y jouerai pas à ce jeu. Voilà, j'ai joué au premier Borderlands, j'avais déjà détesté, que ce soit l'univers, l'humour, etc. Apparemment, Borderlands 3, c'est Borderlands Plus, entre guillemets. Donc, oui, c'est amélioré, mais la base reste la même. Et apparemment, le gros problème, c'est vraiment l'humour. Je suis désolé, mais apparemment, c'est un humour pipi-caca toutes les 5 minutes. De l'humour lourdingue comme ça, déjà dans le premier Borderlands, qui n'était pas autant porté sur la chose. Ça me gonflait. Alors sinon, c'est puissance 1000. Non, c'est même pas la peine. Ouais, je peux comprendre. Donc apparemment, c'est ces deux aspects-là. Un jeu finalement pas révolutionnaire. En même temps, j'ai envie d'ajouter, venant de Gearbox, à quoi fallait-il s'attendre, c'est pas franchement. Et un humour, franchement, très, très, très, très spécial, qu'apparemment, qui plaît pas à tout le monde. Moi, j'ai quand même eu pas mal de retours d'amis qui l'ont acheté, qui l'avaient précommandé, du coup, et qui ont été déçus par toutes les défaillances techniques, en fait, au moment de la sortie, quoi. Alors, paraît que ça s'est amélioré depuis, il y a eu quelques petits correctifs. Oui, après, Gearbox, je peux... Enfin, je dis ça en mon nom personnel, il y en a peut-être d'autres qui ont le même avis que moi ou un avis différent. Mais Gearbox, on peut leur reprocher beaucoup de choses. En général, le suivi de leurs jeux, en tout cas des jeux qui leur tiennent à cœur, hein, parce qu'on va pas parler des sujets qui fâchent Colonial Marine, hein, mais leurs jeux sont assez suivis en général. Donc, je m'inquiétais pas trop là-dessus. Pour la petite blagounette aussi, c'est à ce moment-là que j'avais appris que Gearbox voulait donner la possibilité de précharger Borderlands 3, sauf que l'option, elle n'existait pas sur le GS. Donc, c'est les développeurs de Borderlands 3 qui ont fait le boulot pour Epic. D'accord. Faut quand même voir. Faut quand même voir jusqu'où ça va, là, en ce moment. C'est n'importe quoi chez Epic. Voilà. Tout compte fait, c'était une petite actu qui est devenue plus longue, mais Non, mais c'était intéressant d'en parler. Voilà. Mais la vraie actu, pour moi, donc, elle est double, entre guillemets. C'est l'arrivée de Red Dead Redemption 2, donc, le 5 novembre prochain, si je me plante pas. Je crois que c'est ça, ouais. Sur PC. Donc, moi, honnêtement, je me faisais pas de soucis, je me doutais qu'il allait arriver. La question, c'était quand? Donc voilà, on a la réponse. Dans le même temps, alors quelques semaines d'intervalle, Rockstar, dans la lignée de tous les autres éditeurs, nous a balancé son launcher maison. Donc voilà, maintenant on a le Rockstar Games Launcher, encore un lanceur installé sur son PC. Ça aussi, ça devient n'importe quoi. Surtout que c'est pour le coup un vrai DRM. Ouais. Donc, si on s'inscrit dessus, on a GTA San Andreas en cadeau. Offert, ouais. Qui est pour moi le plus mauvais de la série, mais bon. Là, tu risques de te faire des ennemis, non? Bah, écoute, moi, je trouvais le jeu moche à l'époque, plus moche que les précédents. Ouais. Bon, très gangsta, mais ça, c'est un goût personnel, donc ça, on l'écarte. Et surtout, techniquement, c'était une catastrophe, ce jeu, à l'époque. Je suis désolé, c'était bourré de bugs, c'était une horreur. Donc, c'est pour ça que je le considère comme le plus mauvais. Okay, voilà, okay. C'est personnel, mais ça m'a pas empêché de télécharger le jeu, le lancer juste pour tester justement s'il y avait un DRM ou pas. C'est mon grand, ça c'est mon grand kiff. Et non, c'est bien un DRM, hein. Launcher Rockstar. Si vous achetez un jeu dessus, vous êtes obligé de passer par le lanceur pour lancer le jeu. Ouais. Voilà, donc ça c'est au moins c'est clair. Autre truc, alors concernant le jeu en lui-même, y ayant joué sur Xbox. Moi, je ne veux pas me précipiter à la sortie du jeu sur PC, mais je l'achèterai très certainement et j'y jouerai très certainement parce que c'est un jeu que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité. Il a des défauts, faut être clair. C'est un jeu très long, ou un jeu où il faut prendre son temps. C'est le genre de jeu que moi j'adore, où il faut prendre son temps. Mais moi, je trouve que ça reste un excellent jeu, alors qu'il mérite pas 21 sur 20, suivez mon regard. Mais c'était quand même un excellent jeu, et je pense que sur PC, pour ceux qui ont patienté, ça va être vraiment un grand plaisir. Et à mon avis, graphiquement, en plus... Du coup, tu comptes te le prendre à la sortie ? Non, pas à la sortie, justement, parce que alors, la sortie du jeu, c'est... Comme dirait un certain président, aujourd'hui décédé, c'est complètement abracadabrantesque. Donc, le jeu, a priori, est déjà en précommande, sur le Rockstar Games Launcher. Il le sera plus tard sur d'autres plateformes. J'ai pas bien saisi encore comment. Enfin bon, dans un premier temps, il est exclusif Rockstar, on va dire. Ouais. Ensuite, il va être exclusif Epic Game Store pendant un temps. D'accord. Voilà. Et il faudra attendre septembre pour le voir arriver sur Steam, par exemple. Sur d'autres plateformes. Ah, quasi un an, du coup. Non, en décembre. Ah oui, décembre de cette année. Désolé. Décembre de cette année, pardon. Alors, si je me suis planté, c'est moi. Ah, t'inquiète. Excusez-moi. Donc voilà, donc déjà la sortie un peu bizarre, étalée, ouais. Machin, donc si on veut l'acheter, si je voulais l'acheter à la sortie, mais ayant déjà joué, je vois pas l'intérêt de l'acheter tout de suite, je préfère attendre plus tard ou une promo ou autre. Donc déjà il y a ça, la sortie, limite elle s'étale sur 2 mois, ouais. Entre guillemets, donc pour avoir le choix le plus large possible, autant attendre fin décembre, sachant que de toute façon, si le jeu sort sur Steam, vous allez l'acheter sur Steam, vous allez appuyer sur votre jeu, puis après vous allez vous retrouver sur le Rockstar Games Launcher, ouais. Pour télécharger, installer le jeu, donc de toute façon, ça sert à rien, si j'ose dire. Et l'autre truc aussi, j'ai cru comprendre que si on précommandait le jeu chez Rockstar, on avait une certaine somme d'argent allouée pour le Red Dead Redemption Online, qui, à mon avis, va devenir la nouvelle machine Afrique de Rockstar après le GTA Online. Donc bon, je suis content de voir le jeu arriver. C'est vraiment un très bon jeu, je suis content de le voir arriver sur PC, mais la sortie qui est un peu bizarroïde et le fait qu'il y ait un nouveau lanceur, etc., bon, moi, ça m'a un peu refroidi. Donc, comme beaucoup de jeux, on verra tout à l'heure, vu que c'est le thème des jeux à venir en fin d'année, moi, il y a beaucoup de jeux pour ces, entre guillemets, ces raisons-là qui font que moi, je vais attendre tranquillement 1 an, 2 ans. Chose à souligner, c'est que là, Rockstar fait quand même une campagne de publicité assez agressive, parce que je vois de la publicité pour ce nouveau launcher partout. Ah oui, ils y vont à fond. Vraiment partout, sur chaque réseau social. J'en ai vu sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. En même temps, la question, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de... Je pense qu'ils l'ont pas fait, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de pousser à la publicité? Je pense pas. En fait, ce qu'ils mettent en avant dans la publicité, c'est télécharger le nouveau launcher et obtenir gratuitement San Andreas. Mais en fait, je pense que chez Rockstar, ils ont juste à faire ça et c'est les autres qui font le boulot. Voilà. Je me souviens encore qu'ils avaient juste publié Rockstar en rouge sur Twitter et que tout le monde a crié Red Dead Redemption 2. Les mecs, ils ont juste posté une image et t'as tous les médias qui en parlaient. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont juste, ils ont juste dit non, bah nous, on fait un launcher Rockstar. Voilà. Tout simple, hein, je crois qu'il n'y a même pas de panier. Hein. Voilà, c'est vraiment tout simple, avec tous nos jeux Rockstar dedans. Vous inscrivez, vous avez le meilleur, selon le public, le meilleur GTA qui est GTA San Andreas. Encore que je pense que le public, aujourd'hui, lui préfère GTA V. Ouais, je pense que GTA V est passé. Voilà. Mais pour beaucoup, ça a été le jeu marquant de ces dernières décennies. Quoi. Non, c'est un très bon jeu. Moi, j'ai une préférence pour Red Dead Redemption, personnellement. Ouais. Mais voilà, c'est personnel. Ok, voilà, nickel. Pour cette longue actualité. Ben, on va encore parler Nintendo. Alors moi, de mon côté, c'est pas vraiment une actu, mais puisque tout comme toi, j'ai pas trouvé vraiment d'actu marquante pendant ce mois de septembre. Enfin, bah, je trouve que ça a été un peu mollasson. Disons que c'est calme. Disons que c'est. Enfin, il y a toujours les petites news d'ici et là, j'ai envie d'appeler ça des petits dramas, si j'ose dire. Voilà. J'ai notamment croisé quelques news sur l'e-sport où apparemment il y aurait quelques soucis et que certains diraient que c'est une bulle qui va bientôt exploser. Ouais. Bon, déjà je suis pas expert en e-sport, mais on a toujours ces petits trucs là, on a des petites rumeurs aussi sur la prochaine génération de consoles. Moi, tant que ça reste des rumeurs, j'en parle pas trop, je vois pas l'intérêt. Je reste très attentif néanmoins parce que surtout sur la question de la rétrocompatibilité. Chez Xbox, c'est confirmé, la prochaine Xbox sera très rétro-compatible avec toutes les précédentes, ce qui est normal, ils ont toujours gardé la même architecture, donc il n'y a pas de problème. Le côté PlayStation, je me pose la question, parce que quand je vois qu'ils baissent le prix du PlayStation Now, je pense qu'on va se retrouver avec une PS5 rétro-compatible PS4, matériellement, donc pourquoi pas, moi, ça m'arrange, hein. Autant acheter direct la PS5. Par contre, je pense que pour le reste, il faudra passer par le PlayStation Now, ce qui m'emmerde un petit peu. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, ce que je retiens un petit peu de ce mois de septembre, ça reste quand même la sortie de la Nintendo Switch Lite. Bon. De mémoire, on l'avait un petit peu évoqué la dernière fois, mais du coup, je me suis pas mal intéressé au retour de la presse. J'ai un petit peu regardé les différentes reviews à droite à gauche. Et finalement, ça m'a plutôt convaincu. Alors, j'ai pas encore acheté la console, mais je suis en train d'y songer assez sérieusement, parce que comme j'étais un utilisateur de la Switch majoritairement de manière nomade, c'est vraiment son aspect nomade moi qui m'intéresse. Et de toute manière, historiquement chez Nintendo, moi j'ai toujours été très console portable. Et ben il y a pas mal de choses qui m'ont convaincu, notamment le fait que la console est beaucoup plus légère, le retour de la croix directionnelle, beaucoup plus solide que la. Ouais, et le retour de la croix directionnelle. Moi je sais que pour certains jeux. Des plateformeurs, etc., qui requièrent un petit peu de précision. J'avoue que ça continue à m'emmerder sur la Switch de base. Hein. Ouais. J'aime bien. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ces deux éléments qui me feraient un petit peu craquer pour cette console. Si tu cherches une console 100% portable, c'est nickel, apparemment. Ouais. Le seul truc, c'est que je suis pas hyper convaincu pour le moment par les couleurs. Alors là, c'est purement esthétique. Le gris, ça. Je trouve qu'en jaune, ça va. Le gris, ça va. Moi, turquoise, la jaune. La grise, je la trouve pas belle du tout. Et du coup, je me dis que je vais peut-être attendre qu'ils sortent une version collector à l'occasion. Alors, t'as la collector Pokémon. Ouais, mais je la trouve dégueu aussi. Enfin, le visuel à l'arrière est pas mal, mais le mélange des couleurs est pas terrible. Donc, je sais pas pourquoi. Je vais un peu patienter, mais. Niveau couleur, moi, j'étais étonné de pas voir une rouge. Ben, moi, ce qui me surprend le plus, c'est que. Je trouve qu'une rouge, ça aurait été tout à fait. Rouge, ça, je suis quasi sûr que j'aurais pris. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que. Elle est sortie au moment de la sortie du coup de Zelda. C'était le jeu de lancement. Y a pas de collector Zelda. Et c'est la première fois qu'on n'a pas un collector, quoi. Alors, c'est assez étonnant. Il y a un collector Zelda avec, je sais plus quoi. Ouais, mais un bundle de console, je veux dire. Mais oui, il y a pas le collector avec la console. Tous les Zelda 3DS, il y a eu une 3DS spéciale pour Majora's, pour Between Worlds, pour. Bon, elle aurait été verte, hein, mais bon. Non, pas forcément, parce que des fois ils ont fait des modèles. Ah, ça aurait été incroyable qu'ils en fassent une avec l'œuf du poisson rêve. Ceci dit, avec la Switch Lite, je sais plus où j'avais entendu parler de ça, peut-être dans une vidéo YouTube ou lu dans un test, mais un joueur qui disait au moins maintenant on aura des vrais collecteurs. C'est vrai que si on regarde les collecteurs de la Switch, on va l'appeler la Switch Tank, tiens, voilà, en hommage à la DS. Ah oui, c'est juste le dock. Voilà. C'était juste soit le dock, soit les Joy-Con, où t'avais juste 2-3 dessins, quoi, c'est tout. Une que j'ai vue, je les ai pas toutes vues, mais une que j'avais vue, c'était la collector de Diablo que j'avais l'occasion de voir. Ouais. C'était juste des dessins. Oh, bon, il y avait la Splatoon. C'est des beaux dessins, juste mais chaque, c'est tout. Chaque Joy-Con. Même Mario Odyssey, je crois que c'était juste deux Joy-Con rouges. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, là au moins, c'est vrai que on aime ou on n'aime pas la collector à venir de Pokémon. Moins il y a de la couleur, au moins il y a quelque chose sur toute la machine. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a plutôt convaincu, mais on en a très rapidement discuté tout à l'heure, et toi, t'es peut-être allé fouiller un petit peu plus profondément, et il y a déjà quelques retours un peu moins enthousiastes sur la console. C'est surtout sur l'aspect, l'aspect technique, l'aspect hardware. Donc, moi, pour remettre dans le contexte, moi, la console m'intéressait si elle switchait sur la télé. Ouais. C'est quand même l'option de base de la Switch. Et je vais pas rentrer dans la polémique du nom, etc. Bon, elle fait partie de la famille Switch, qui s'appelle la Switch. En un sens, c'est normal. Mais il y a plus l'option Switch. Et ça m'ennuie énormément. Qu'il y ait pas les vibrations, qu'il y ait pas tout ça, moi, ça me dérangeait pas plus que ça. Surtout pour une console portable, pas de problème. Mais qu'on puisse pas switcher, même avec des docks alternatifs, non. Et le problème, c'est que c'est pas une limitation logicielle, mais bien une limitation hardware. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui ont démonté la console, comme ça se fait à chaque fois qu'il y a des nouvelles consoles, il y en a toujours qui la démontent. Ouais. Et ils ont découvert qu'il manquait juste un petit composant qui doit coûter 1 à 5 euros grand max, mais vraiment un tout petit composant qui aurait permis la transmission du signal vidéo. Ouais. C'est d'autant plus incompréhensible que la norme USB-C de base permet la transmission vidéo. Donc je comprends vraiment pas pourquoi Nintendo a retiré cette option à part pour faire une console 100% portable. Ok, pourquoi pas, mais laisser le choix aux joueurs, ça aurait été trop, enfin une toute petite option comme ça. En fait, le truc, c'est que clairement, là, leur objectif, je pense, c'est de créer la succession de la 3DS. Et contrairement à... Parce que si on regarde bien, la Switch a toujours été vendue comme, côté Nintendo, comme une console de salon qui peut être nomade. Être jamais transportable, l'inverse. Limite même, parce qu'avec la batterie... C'est ça. Bon, mais ça a jamais été vendu comme une console portable qui pouvait devenir... Et du coup, là, clairement, leur objectif, c'est d'avoir la console de salon, la console portable, à la seule différence des autres. Je dis pas que c'est bien, je fais juste un état des lieux. Que ton jeu, tu vas pouvoir y jouer à la fois sur ta console de salon et sur ta console portable. Oui, alors j'ai cru comprendre que le transfert des sauvegardes, etc., entre les deux consoles, c'était pas forcément facile. Ben, j'ai eu les deux échos. J'ai lu sur Internet certains qui disaient que c'était une galère, d'autres qui disaient, bon, c'est pas bien compliqué, il suffit de lier ton compte et tu récupères... N'ayant pas la console, moi, je peux pas vérifier. Mais à mon avis, là, clairement, la cible, c'est aussi le côté familial, c'est-à-dire que, en gros, je schématise, mais la Switch qui semblerait être un peu plus fragile serait pour les parents, pour jouer sur la télé, et pour les enfants, la portable, pour... Ouais, déjà bien solide, moi, je trouve quand même la Switch. Ouais, base, mais on sait quand même que, il y a eu des petits soucis, notamment sur le... Ouais, mais... Enfin, voilà, moi, c'est encore une fois, ça récoupe. Franchement, ça aurait rien coûté de laisser le choix. Ouais, surtout quand la console derrière, on dit ouais, mais vous pouvez connecter d'autres Joy-Con, vous pouvez connecter d'autres manettes. Ah, j'aurais préféré aussi. Hein. Là, j'essaye juste de me dire quelle est la démarche côté. Voilà, je trouve que c'est une démarche, un peu bornée là. Si j'ose dire, c'est vraiment pas grand-chose. Alors je suis pas ingénieur, à moins que il y a un petit souci de par la façon dont est faite la console, il y a peut-être un souci de surchauffe. C'est parce qu'il faut pas oublier que la Switch de base, quand on la met dans le dock, elle est overclockée. Donc elle a un boost de puissance pour pouvoir afficher du 1080p. Et un boost de puissance, c'est un boost de chaleur. Même dans la dernière version de la console, qui est a priori plus économe, moins de chaleur, et comme elle est plus économe aussi, la batterie, qui est exactement la même, dure un peu plus longtemps. Donc ça, pour la nouvelle Switch, c'est facile à vérifier, c'est une boîte toute rouge. Mm-hmm. Voilà, si vous achetez une Switch de base à Noël, pour qu'elle soit compatible à la télé, vous prenez la boîte toute rouge. Ouais. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de pas vous planter. Voilà, mais oui, peut-être qu'il y a peut-être ce petit souci de surchauffe, voilà. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, voilà, moi aussi, hein, directement, j'ai regardé s'il y avait possibilité, et quand j'ai vu que visiblement, vraiment, c'était impossible, un petit peu dommage. Ouais. Mais je pense que... alors, je sais pas quand, mais je pense que je craquerais quand même. Non. Parce que je suis un joueur portable. Oui, oui. Non, je pense que je craquerais plutôt pour une... comme tu as dit, maintenant qu'elle est en fin de vie, je pense que je vais pouvoir me prendre une 2DS XL. Ouais. Parce que j'ai tendance aussi parfois à prendre les consoles en fin de fin de génération, ah, parce qu'il y a les prix qui baissent. PS3, ouais. Donc, ouais, je pense que, parce que je sais qu'il y a une ludothèque de malade là-dessus. Si je me trompe pas, je crois qu'à la maison, c'est peut-être la 3DS, la console. Non, ça doit être la DS. La console. En même temps, t'as les jeux DS, t'as les jeux 3DS compatibles. Bon, de toute façon, c'est un truc de fou de base. Ouais, c'est clair. Bah voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait à dire côté actu, entre guillemets. Et on va passer. C'était un petit coup de gueule, là. Au coup de cœur et coup de gueule. Bah moi de mon côté ce serait plutôt un coup de cœur. Alors tout à l'heure je te disais que j'ai pas trop joué ce mois-ci. En fait c'est pas totalement vrai parce que j'ai quand même joué à un jeu. Et le jeu ça a été le coup de cœur. Voilà. Comme moi Zelda. J'ai pas joué beaucoup Inside. Mais Zelda. Inside. D'accord, ça me dit. C'est un jeu indé qui n'est pas sans rappeler Limbo. Limbo. Voilà. Ouais. Alors je l'ai pas encore terminé, j'ai pas trop mal avancé, mais j'ai adoré l'atmosphère du jeu. Alors ça c'est un jeu que je dois avoir de toute façon. Bon, je l'avais probablement déjà sur Humble ou sur GOG, mais de toute façon il a été offert sur l'EGS aussi. Ouais, il y a quelques temps, je pense que ça doit faire 2 mois. Ça fait partie de la longue liste des jeux que j'ai à jouer. Ouais. Ça, c'est... Bah franchement, je te le recommande. En tout cas, si t'as aimé Limbo, ça devrait te plaire. Mais j'aime bien ce genre de jeu. Enfin, déjà, je préfère les jeux indés aux jeux AAA ces dernières années. Mais j'aime bien ce genre de petits jeux qui racontent une histoire, le petit côté aventure aussi. C'est pas du point and click. Ben, moi, ce que j'aime bien avec ces jeux, je vais même faire le parallèle avec une journée, ce qui peut être assez étonnant. J'aime beaucoup ces jeux qui veulent te raconter quelque chose, mais sans rien te dire, en fait. C'est-à-dire que souvent, t'incarnes un personnage. C'est du cinéma, là. Mais le cinéma à la base c'est plus visuel que non mais si tu vois de journée non, mais on incarne un personnage qui se réveille, on sait pas où il est, où est-ce qu'il doit aller, c'est nous qui allons le comprendre et finalement je suis persuadé que si on parle de journée à plusieurs joueurs, chacun l'interprète un peu à sa manière. Limbo, c'était un petit peu la même chose, c'est on sait pas qui est ce petit garçon. Est-ce que c'est un petit garçon déjà? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'il doit avancer? Bref. Et c'est un petit peu le cas aussi avec Inside. Et Inside, j'ai vraiment... En même temps, c'est le même studio, je crois, si je me plante pas. Je dois trouver que j'ai pas regardé, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est le même studio. Vérifier. Mais vraiment, j'ai passé, en tout cas pour le moment, un super moment. C'est quand même différent de Limbo. J'ai trouvé Limbo, par moment, peut-être un peu plus casse-tête, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des phases de réflexion. Ouais, t'as des petites énigmes assez... etc. C'est un petit peu le cas dans Inside... je trouve Inside dès le début peut-être un peu plus punitif qu'un Limbo, et la violence est moins elle est plus visible et moins suggérée en fait, donc c'est vraiment différent. C'est un peu le même style de jeu que Limbo, mais pourtant c'est pas la même chose. C'est ça que je veux dire. Les mêmes studios, je me demande. Et c'est en ça que je trouve que le jeu est plutôt réussi, parce que je l'ai fait un petit peu sur le tard, parce qu'au départ je me suis dit, ça va être une copie de Limbo, quel est l'intérêt de faire un jeu qui est le même? Et en fait je me suis laissé surprendre, et même si les mécaniques etc peuvent s'en approcher, ça reste un jeu assez différent. Et moi ça m'a convaincu, c'est vraiment efficace. Alors j'ai pas fini le jeu, j'ai hâte de découvrir comment ça va se terminer. Il y a vraiment des phases qui sont un peu déstabilisantes, des images qui peuvent un peu nous choquer, etc. Bref, j'ai trouvé ça très sympathique et j'espère que tu auras l'occasion d'y jouer pour m'en reparler à l'occasion. Ah bah, tellement de jeux à jouer. Après, je pense pas que ce soit un jeu qui soit très long à terminer. Non, c'est... Je dois être à 2 heures, c'est heures pas ça, le... Entre guillemets, le souci, c'est que... Bon, c'était un thème que j'avais proposé, peut-être qu'on l'abordera un jour ou pas, mais que j'avais dit sur une conversation Discord, tiens, une idée de thème, trop de jeux, tue le jeu. Ah oui. J'ai une liste de jeux tellement énorme que au bout d'un moment, t'es là, tu dis, bon, je vais jouer à quoi? Si je joue à ça, à ça, à ça, puis au final, tu te décides pas. Et au final, tu relances le truc que t'as déjà lancé. Voilà, parce que tu te dis, oh, je vais pas me prendre la tête, puis alors tu relances Battlefront ou Minecraft, tout ce que tu veux. Voilà, donc et tu tournes en rond. Là, actuellement, j'essaye de mieux structurer, entre guillemets, ce à quoi je joue, même s'il y a quelques petits anicroches. Voilà, j'étais parti sur Astral Chain, je me retrouve sur Zelda. Il y a le Dragon Quest. Bon, je l'ai pas encore acheté, parce que je me suis dit, attends, si tu l'achètes et qu'il reste dans ta bibliothèque pendant un an, ça va pas valoir le coup. Mais j'ai quand même envie de tenter le Dragon Quest. Les jeux indés, j'en ai un paquet, parce que j'aime beaucoup les jeux indés, parce que c'est toujours une bonne surprise à chaque fois, je trouve. À part vraiment les gros ratés ou autres, mais il y a toujours de bonnes... Ouais, des petites idées qui ressortent. Voilà, des jeux. Il y a des fois des jeux indés que j'ai achetés en me disant, ouais, je vais y jouer plus tard, j'y ai toujours pas joué. Hein. Ouais. Il y a Frostpunk, j'y ai toujours pas joué, pourtant le truc m'intéresse énormément. Il y a le jeu par... alors qu'eux, ils avaient déjà fait un jeu du même genre qui s'appelait Halfway. C'est très peu connu, mais ils ont sorti, je crois que c'est cet été ou même en début d'année, ils ont sorti un espèce de jeu à la Indiana Jones, très ambiance Indiana Jones, et avec un gameplay à la XCOM, donc c'est pareil, ça c'est un jeu que j'ai acheté, que j'ai mis de côté, auquel j'ai toujours pas joué. Il y a la Switch en plus, il y a plein de jeux indés qui sortent dessus, en physique, c'est absolument, c'est génial. Enfin, le plus chiant, c'est quand tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple récent. Ah, Ori est sorti sur Switch. Ouais, c'est super, mais je l'ai déjà sur PC. Mais j'y ai toujours pas joué. Ouais. C'est agaçant. C'est vraiment agaçant, mais moi, comme je dis souvent, les jeux, c'est comme les films. À partir du moment où ils sont bons, quel que soit le moment où tu y joues, tu prendras toujours autant de plaisir à y jouer. Donc voilà, les jeux AAA, alors sont pas tous comme ça. On a cité Red Dead Redemption 2. Vous pouvez y jouer quand vous voulez. Je pense que c'est pas un jeu qui vieillira mal entre guillemets. Voilà, ou Breath of the Wild. Contrairement, bon, on va dire que je tape toujours sur eux, mais en même temps, c'est eux qui sortent quasiment des jeux les plus réguliers. Les dernier Ubisoft, franchement, ouais. Ça tient pas la durée. D'ailleurs, il y a un Assassin's Creed prévu cette année ou pas, hein? Alors, j'ai pas l'impression. Par contre, il y a un Ghost Recon et voilà. Ouais. De ce que j'ai vu des retours, j'ai. Là aussi, c'est encore un frappage médiatique. Ah ouais, non mais. On se bouffe de la pub Ghost Recon. Désolé, si vous avez Ghost Recon, moi je le dis comme je le pense, il est pourri. Voilà. Ouais. C'est. Bah. Je peux pas dire qu'il est pourri parce que techniquement, etc., il est correct. Oui, ouais, oui. Mais il y a aucun intérêt. Oui, c'est sûr que je préfère mille fois qu'on me force entre guillemets à jouer à Inside ou même Zelda, qui est un jeu qui a plus de 20 ans en plus. Quoi. C'est un remake d'un jeu qui a plus de 20 ans et on s'éclate plus sur ces jeux-là que sur les jeux entre guillemets modernes, à quelques exceptions près. Ouais. Et du coup. Bah moi, mon coup de gueule, c'est la Switch Lite qui switch pas sur la télé, donc on en a du parlé. Du coup, on l'a déjà abordé. Voilà. Et non pas. Si après il y a. Bah le coup de cœur c'était Zelda du coup. C'était Zelda voilà. Non après aussi à titre informatif on en avait discuté juste avant d'enregistrer aussi apparemment il y a un petit souci avec les Joy-Con sur la Switch Lite. Ah oui. Donc. Je te laisse un petit peu expliquer. Bah apparemment c'est des soucis de ce qu'on appelle de Joy-Con drift. Donc en gros c'est le joystick qui se met à bouger tout seul sans qu'on le touche. Apparemment il y a des petits soucis qui existaient déjà sur la Switch de base. Alors moi je continue de toucher du bois parce que tous les soucis de la Switch de base je les ai pas eu. Ouais, j'ai pas eu de soucis avec le Joy-Con, fameux Joy-Con droit, il y a pas eu. J'ai pas eu de problème de Joy-Con drift. Ma console marche très bien, elle a jamais planté ici, elle m'a fait un écran noir une fois. Mais ça c'est parce que la batterie était à zéro et j'avais complètement oublié de la charger. Donc ça c'est ma faute entre guillemets. Mais non, j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant. Ce qui est quand même étonnant, parce que ça m'a fait rappeler un truc, c'est que je me suis dit, mais attends, c'est moi ou j'ai l'impression que pour une fois, on entend plus des problématiques avec les consoles Nintendo qu'on en a entendu avec les autres consoles. Ouais. J'ai pas souvenir que la Xbox One ou la PS4 posaient autant de problèmes à leur sortie. À sa sortie, la PS4, il y avait l'histoire des joysticks de la manette qui s'effritaient. Je sais pas si tu d'accord. te souviens. Ouais, moi, ils sont toujours effrités, moi, sur les manettes de la... Moi, j'ai toujours eu des soucis. Tu sais, au bout d'un moment, il colle ou autre. Ouais. J'ai toujours eu ces problèmes. Ah, mais là, c'est pire que ça. En gros, t'avais carrément le caoutchouc qui commençait petit à petit à se percer et en fait, qui se retirait. D'accord. Et t'avais directement plus le plastique. Et nous, on a vu ici à la médiathèque, toutes nos manettes de PS4, elles sont éclatées. En même temps, si vous avez déjà démonté une PlayStation, vous voyez que c'est du travail de bourrin. Ouais. Il y a des soudures, des forces de monde. Mais... Ouais. De mémoire, je crois que c'était le seul souci. Ou le bruit. J'ai toujours entendu parler que la PS4 faisait un boucan épouvantable. Mais c'est tout. Alors, n'ayant jamais eu de PS4, bon, j'en sais rien. Je sais que côté Xbox One, bon, la Xbox One avait quand même plein de défauts, mais la Xbox One S, en termes pure console, hein, je parle pas des jeux, c'est vraiment une excellente console, silencieuse. Ouais, j'ai aucun problème avec elle. Mm-hmm. C'est vraiment plaisant. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là. Mais j'avoue que je suis très surpris avec la Switch, en fait, de tous ces petits soucis techniques ici et là. D'habitude, nous ont habitués à quelque chose de vraiment très fiable. Ouais. Là, apparemment, il y a quelques petits problèmes. Je pense qu'il y a aussi une prise de risque technique avec quand même la Switch de base, une console qui à la fois salon, portable. Ah bah pour la Switch de base, oui, ouais. Oui, j'arrive à comprendre qu'il y a des petits soucis. Pour la Switch Lite, un peu moins, ouais. Parce qu'ils ont l'expérience de la, ils ont quand même 2 ans d'expérience, quoi. Ah oui, avec la première Switch. Ce que tu me disais, que t'as pas forcément. Ah oui, parce que c'est les mêmes Joy-Con en fait. Techniquement, voilà, c'est les mêmes. On a enlevé quelques options, on a enlevé les moteurs de vibration, on a enlevé la petite caméra qui était à la base, la caméra infrarouge. Voilà, ils ont enlevé tout ça, mais le reste, c'est la, apparemment, c'est la même technologie, c'est les mêmes composants, c'est la même chose. Et la caméra infrarouge, en plus de servir dans certains jeux, alors c'est un détail tout bête, mais c'est aussi ça qui permettait d'avoir l'adaptabilité de la luminosité de l'écran. Ah bon, c'est pas la base de l'écran. Non. Parce que moi, tu vois, j'ai recouvert l'écran d'un verre trempé. Et si tu as remarqué, en bas, tu as une petite encoche. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait justement que le, D'après ce que j'ai lu, c'était du coup ces fameux capteurs infrarouges qui étaient en bas. Et du coup, si tu regardes sur la Switch Lite, si tu vas dans les paramètres de la console, tu n'as plus la possibilité d'avoir une luminosité adaptative. Si c'est vraiment que en manuel. C'est normal, je vais juste faire un test. Ouais, non, il y a pas de problème, il y a pas de problème. Parce que moi, je. Du moins, c'est ce que j'ai lu. Moi, j'avais fait un test à l'époque, j'avais un. Voilà, donc là, on est en pleine lumière. Ouais. Et j'avais mis le doigt là. Et normalement, elle. Ou alors, c'est là. D'accord, ça varie pas. Après, peut-être que l'option est désactivée. Non, elle est activée. Mais du coup, maintenant, quand tu vas dans les paramètres de la console, sur la Switch Lite, t'as même plus la possibilité d'avoir de la luminosité. Alors ça, c'est d'accord. Alors ça, c'est un petit détail, hein. C'est pas quelque chose d'important. Ouais. Mais n'empêche que c'est toujours si, ça. Si, c'est important parce que c'est une console portable. Ouais. Pouvoir régler la luminosité automatiquement suivant la lumière extérieure. Bah moi, donc, sur mes consoles, je mets ou même sur mon téléphone, je mets toujours en manuel parce que. Bah après, tu peux le régler manuellement. Ouais. Bon, t'as encore le choix, mais je trouve que ouais. Bon. Mais du coup, bah, pour le moment, voilà. En tout cas, il y a plus ça sur la console. On en profite pour faire une petite transition sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est celui des jeux de la fin d'année. Je vais commencer par te poser une question. Si je te dis jeu de cette fin d'année 2019, à quoi est-ce que tu penses ? En premier ? Là, tout de suite, direct ? Ouais, vas-y, dis-moi. Je précise avant d'y avoir joué. Ah oui, oui, oui. Le jeu que j'attendais le plus pour cette fin d'année jusqu'en décembre. On est d'accord, hein. Ouais. Donc, Cyberpunk est de côté. Septembre-décembre. Voilà. C'était le Zelda. Ok. C'était vraiment le Zelda, je le dis. Parce que pour moi, Astral Chain est sorti, pour moi, c'était mon jeu de l'été. D'accord. Voilà. Donc, c'est ma petite sauce à moi, si j'ose dire. Pour moi, Astral Chain faisait plutôt partie des jeux d'été, tout comme, Demon X Machina, que j'ai pas acheté, que j'ai pas joué, mais qui est sorti. Voilà, donc pour moi, vraiment le jeu de fin d'année que j'attendais vraiment en cette fin d'année, c'était le Zelda. Après, il y a Dragon Quest, il y a Luigi Mansions, etc. Mais c'était vraiment celui-là. Très Nintendo, hein. Bah, il y avait Doom, mais à l'E3, quand on m'a dit qu'il y aura des DLC solo, je dis bon, bah Doom Eternal, il va attendre. Voilà, ouais. Je l'achèterai pas en fin d'année. Sinon, je l'aurais acheté en fin d'année, encore que... Je reste un petit peu méfiant parce que j'ai un petit doute aussi, une petite crainte de connexion permanente parce que aussi c'est toujours la mode, etc. Et j'ai un petit peu peur là-dessus. Ouais. Donc je préfère être patient. Mais sinon, ça aurait été Doom Eternal en fait. Tu m'aurais posé la question avant l'E3, je crois même que j'avais cité dans un podcast avant l'E3. Tu nous en as déjà parlé, ça c'est. J'avais dit non, moi j'attends Doom Eternal et puis arrive l'E3. Non, il y aura du DLC solo et tout. Bon, si c'est encore un jeu en kit, moi je préfère attendre. Eh ben tu vois, le Zelda, j'aurais donné la même réponse avec peut-être un autre jeu qui est le nouveau Pokémon. Alors je suis pas fan de Pokémon du tout. Ah ouais ? Non. Eh ben ça. Et j'ai essayé, j'avais essayé la version Game Boy quand j'étais gamin. Ouais. Et ça t'a jamais plus. J'ai pas accroché. J'ai essayé le remake qui est sorti sur Switch, j'ai pas accroché. Non, il y a des jeux comme ça. Après, c'est une question de goût, mais moi, les Pokémon. Non. Bah, ça m'intéresse de savoir. Là, par simple curiosité, qu'est-ce qui te séduit pas? Ça m'a jamais. Non, c'est le jeu lui-même m'a jamais passionné en fait. Ok. Voilà, le coup de va chercher tous les Pokémon, fait les combattre. Je sais pas. J'ai jamais accroché au jeu. Jamais vraiment compris pourquoi. C'est pas, je veux dire, je peux pas dire que c'est le côté gamin ou autre, ouais, parce qu'il y a des jeux très enfantins, enfin même les Mario, ou ouais, autre, carrément, très enfantins auxquels j'accroche énormément, donc c'est pas ça. Non, je sais pas du tout, les Pokémon, j'ai jamais vraiment accroché. Je sais que niveau financier, ça m'a toujours gêné, par contre, qu'il y ait deux cartouches, etc. L'air de dire, ouais, pour avoir le jeu complet, faut les deux cartouches, ça m'a toujours un petit peu gêné. Mais au-delà de ça, de toute façon, j'ai quand même fait l'effort d'essayer les jeux et j'ai jamais... C'est pas exactement ça, enfin... Bah vas-y. Non, mais je peux comprendre qu'on soit pas séduit par Pokémon. Par contre, si t'as une cartouche, t'as le jeu complet. Par contre, tu n'as pas la possibilité de capturer l'intégralité des Pokémon, parce que ce qui fait aussi l'essence de Pokémon... Ouais, mais ce qui est vendeur de ce qu'on nous dit à chaque fois pour le Pokémon, entre guillemets, c'est la fameuse phrase d'accroche, attrapez-les tous. Ouais. Donc s'il faut les deux cartouches... Mais c'est pas ça, c'est que c'est pour favoriser, en gros... Alors, évidemment, il y a l'aspect financier derrière. Mais après, moi, je l'ai mis entre parenthèses, ça, voilà, mais parce que c'est un aspect que je connais assez peu. Ce qui a toujours fait partie de l'âme de Pokémon, c'était déjà à l'époque avec le câble Link sur la Game Boy, c'était la possibilité d'échanger des Pokémon avec d'autres donc personnes. Donc c'est le partage. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'avais par exemple ta version bleue, l'autre, il avait la version rouge, et du coup, les quelques Pokémon, et encore, il y en a pas beaucoup, que tu ne peux pas avoir dans ta version, eh ben, tu vas l'échanger avec ton ami qui l'aura peut-être capturé en plusieurs Après, fois. Après, comme tu dis, si t'as une cartouche, t'as le jeu, gameplay, etc., complet, de oui, toute façon, c'est quand ça, même. C'est ça, t'as voilà, toute l'histoire, la ligue Pokémon, etc. Mais, non, j'ai jamais accroché. Mais ok, bah, ça m'étonne, parce que comme tu cites souvent des jeux Nintendo dans tes petits cartouches. Attends, coeurs, entre guillemets, je redécouvre aussi les jeux Nintendo en ce moment avec la Switch, hein. Ouais, ouais. Parce que pour être tout à fait franc, avant la Switch, si, il y a eu quelques jeux Wii, mais finalement, c'était pas tant les jeux Nintendo qui m'intéressaient sur Wii. Mm-hmm. C'est plutôt d'autres jeux, style Mad World, de Muramasa que j'ai absolument adoré, que je trouvais génial, un jeu de rôle que dont on a entendu très peu parler mais qui était vraiment sympa, j'ai plus le nom. Moi j'adorerais qu'un jour on fasse un numéro entièrement dédié au catalogue de la Wii, parce que pour moi c'est une console qui est clairement sous-estimée et sous-cotée. Parce que certains étaient rebutés par les manettes. Le problème, c'est qu'elle est devenue grand public, quoi. Donc, il y a eu très vite eu, on l'a très vite accroché au jeu mais... casu. C'est ce qu'on disait à l'époque. Le truc, c'est que, allez, soyons un peu crus. Beaucoup ont catalogué cette console comme une console casu parce qu'on retrouvait des, entre guillemets, daubes à la, n'importe quoi, Koh-Lanta et Bienvenue chez les Ch'tis. Bah, comme à l'époque de la PlayStation 2, mais c'est en ça. Fait, c'était tous ces jeux faciles à balancer dessus pour se faire du fric et qui étaient absolument mauvais. On a eu ça sur PlayStation 2, on a eu ça sur la Wii. Et en fait, c'est quelque chose que les gens ont pardonné à la PS2, mais que les gens n'ont jamais pardonné à la Wii, quoi. Et ça, je trouve dommage parce que des pépites, il y en a énormément sur Wii. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être pas des aussi gros jeux que sur PS2. C'est-à-dire que sur PS2, les pépites, ça... GTA, qu'on a cité tout à l'heure, GTA, Metal Gear, Kingdom Hearts, enfin voilà, des jeux comme ça. Silent Alors Hill, que sur, Resident Evil... Oui, il faut presque aller un peu plus quand même dans du jeu de niche. Alors, côté Nintendo, il y a eu des pépites. Si on enlève les licences Nintendo, entre guillemets, comme Mario Galaxy, par exemple, qui était apparemment très bon, j'y ai pas joué. Exceptionnel. Mais, voilà, mais j'ai cité Muramasa, ou... Bah, y avait, Marumasa, je sais jamais comment le prononcer. Il y avait Shadow's Tale, voilà, The Boy and His Blob, des Little titres, King Story. Des titres que je connais, que j'ai pas joué, mais des titres que je sais qui sont très particuliers sur la console. Eevee the Kiwi, c'était trop bien. Celui-là, je le connais pas. Voilà. Et par la Sonic Team, en plus. Bref, c'est une console qui est vraiment assez exceptionnelle. Alors là, on n'est plus du tout dans le thème, mais un jour, je trouve que ça vaudrait le coup qu'on parle de... Je sais pas, soit spécifiquement de la Wii, soit des consoles qu'on considère comme un peu sous-estimées, sous-cotées. Ça pourrait être un sujet intéressant, je trouve. Ouais. Du coup, hormis Zelda. Le Zelda, là, si je te dis jeu de fin d'année, à quoi est-ce que tu penses d'autre? Bon, alors, j'ai cité Dragon Quest tout à l'heure. Il y a beaucoup de jeux Nintendo, je l'avoue, pour cette fin d'année qui me font de l'œil. Luigi's Mansion. Voilà. Après, il y avait d'autres jeux. C'est pareil, il y a d'autres jeux aussi, il y a quelques temps, qui m'intéressaient. Par exemple, en faisant un peu mes devoirs, entre guillemets, pour le podcast, je suis retombé sur un jeu que, j'étais très intéressé de le voir arriver en fin d'année, qui était Phoenix Point. Alors, Phoenix Point, ouais, c'est par une, je sais pas si c'est par l'équipe, je pense pas, je pense que c'est par, plutôt par une partie des développeurs qui ont fondé leur propre studio, anciens développeurs de XCOM. Moi, j'aime beaucoup XCOM. Et je me souviens que la présentation du jeu m'avait, j'avais vraiment adoré parce qu'on a un univers un peu différent, on avait des améliorations de gameplay. Alors je m'en souviens plus très bien, mais on avait plein de trucs en plus qu'on n'a jamais eu dans XCOM 2 ou même dans le dernier XCOM 2 en fait, c'est le plus récent. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Et puis en plus, ça sort sur Steam, ça sort sur GOG et tout. Je dis ouais, super quoi, un jeu indé, un jeu dans un genre que j'adore, etc. Le problème, bon, c'est que d'une part, le jeu a été reporté, donc a priori, pour l'instant, il est prévu en décembre, sur PC et sur console, il me semble. Le problème, c'est que sur PC, bah, c'est devenu une exclue Epic Game Store. Ah. Donc, bon. Et comme tu portes l'Epic Game Store dans ton cœur. Si c'est un jeu DRM free, ça m'ira, ok, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Et comme j'aime pas du tout le GS, bon, bah écoute, c'est encore un jeu qui va aller sur une liste et on va attendre un peu plus tard qu'il sorte sur les autres plateformes, comme ça commence à arriver d'ailleurs, tant mieux. Alors là, moi, je suis en train de regarder un petit peu la liste des sorties. Après, d'ici la fin j'allais en citer un autre, vite fait. Sinon, mais alors lui, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de PlayStation 4 et j'attends d'avoir des nouvelles de la PlayStation 5 pour voir si je m'achète directement une PS5. Pour pouvoir jouer notamment au jeu PS4. Et c'est un jeu aussi, j'avais déjà cité, mais bon, ça c'est parce que c'est Kojima, j'ai presque envie de dire que c'est hors concours, c'est hors sujet, c'est Death Stranding. Mais pour moi, les jeux, j'ai presque envie de dire les jeux Kojima, c'est déjà quasiment hors concours. Ouais. Je suis pas un gros fanboy de Kojima, soyons clairs. J'aime bien ses jeux, il y a des qualités, il y a des défauts, pour être tout à fait franc. Mais pour moi, c'est tellement spécial, un jeu Kojima. En tout cas, moi, toutes les vidéos, trailers que j'ai vu jusqu'à maintenant, Death Stranding a l'air d'être un jeu assez particulier. Ouais, carrément. Donc pour moi, déjà, c'était un jeu un peu à part. Je sais pas si t'as regardé, il y a quelques interviews de lui qui sont sorties, vu que le jeu arrive à grands pas, là. Bah, mois de novembre. Hein. Ouais, mais ça arrive hyper vite. D'ailleurs, dans certains pays, il sort. Alors nous, là, on enregistre le 5. Il sort le 6 octobre dans certains pays. D'accord. Mais par contre, contrairement à la plupart des AAA, si j'ose dire, il n'y a pas énormément de pubs dessus. J'ai l'impression que c'est un jeu qui va sortir tranquillement, à son rythme. Et voilà, on va voir ce que... Bah, disons qu'il y a... Je regardais des interviews de lui et maintenant Kojima se considère comme un indépendant, tu vois. Bah il est indépendant, il a fondé son studio, il est parti de Konami. Après il y a quand même des gros sous de PlayStation derrière. Oui, faut pas être. Mais du coup, c'est peut-être aussi lié à ça, c'est que derrière il n'y a pas la force de frappe d'un immense éditeur qui balance un budget pharaonique dans les campagnes marketing. En même temps, quand tu vois ce que devient Konami, il a eu raison de se barrer, hein, si j'ose dire. Ouais, de toute manière, déjà, c'est pas barré, c'est plus. C'est fait virer, c'est vrai. C'est. Mais ouais, là, j'ai regardé, j'ai lu quelques interviews de lui et c'est hyper intéressant. Alors déjà. En fait, on se rend pas compte parce qu'il a l'air hyper jeune, mais il a quasi 60 ans en fait. Ouais. C'est un truc de fou. Bah moi, à chaque fois, je me remets en tête pour me rappeler entre guillemets un peu de son âge. Un jeu, faut que j'y joue. Hein. Faut que j'y joue à celui-là. J'ai vraiment envie d'y jouer. C'était son jeu d'aventure sortir sur Saturn. Moi, depuis qu'on m'a dit que c'est dans la lignée de Blade Runner, moi qui suis un grand fan, Snatcher, faut que j'y joue. Et, moi, je vais sur Mega CD. Voilà. Et quand je me rappelle de ça, je me dis mais le mec il a développé ça à l'époque de la Saturn. Ça date pas d'hier. Ouais, c'est clair. Et encore pour monter plus loin, les Metal Gear étaient sortis sur Atari ou non, c'était MSX2. Exactement. Exactement. MSX2, donc. 8 novembre, Death Stranding. Et ça, clairement, ça fait partie des sorties marquantes de cette fin d'année. Moi, je suis... J'ai très hâte de voir ce que ça donne, parce que le jeu est quand même dans une brume mystérieuse. Franchement, on ne sait pas encore ce que ça nous réserve. À moins que ça soit une catastrophe, ce dont je doute quand même. Ouais. Je dirais que le petit risque, c'est que Kojima, s'il se considère comme un indépendant, s'il se considère maintenant réellement, comme un, entre guillemets, un artiste, le petit danger peut-être, c'est de faire un jeu vraiment très, très, dans son univers, dans sa patte. Parce que, un peu, j'ai envie de le comparer un peu, alors c'est pas la même chose, mais un peu de le comparer à un Lynch. Lynch a une vision très particulière de, ça se voit quand on regarde ses films, je suis pas un grand fan de Lynch, hein, loin de là. Je suis pas un grand fan de son style non plus. Mais voilà, Kojima aussi, s'il a encore plus cherché à imposer son style qu'auparavant, parce qu'on sent qu'il y a quand même un certain style dans Metal Gear. Si vraiment là, avec Death Stranding, il est allé au bout du bout, parce que comme tu dis aussi, il a une soixantaine d'années, il a peut-être envie aussi de marquer le coup avec vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, avec ouais, vraiment carrément. Quelque chose de très personnel, peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, parce que d'après ce qui commence à ressortir, alors il n'en révèle pas trop sur le jeu, parce que de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être quand même assez conceptuel. Il y a toute une notion... Bon, quand tu vois les trailers, tu comprends déjà que c'est assez conceptuel quand même. Ouais, mais en gros, de ce qui semblait dire, c'est que vraiment, ça semble être vraiment du jeu vidéo d'auteur, dans le sens où... Oui, voilà. Après, de toute manière, moi, j'ai toujours considéré que le travail de Kojima, c'était du travail d'auteur, c'est-à-dire que... Mais là, comme il est indépendant, justement, il s'est peut-être lâché complètement la bride, et là... Et du coup, il parlait de trucs hyper intéressants, il faisait des parallèles avec, des fois, par moment, une critique qu'il voulait faire de la société, ou du moins un état des lieux sur les choses, etc. Et il en disait pas trop, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'on va vivre l'expérience d'un personnage un peu seul, laissé à lui-même, et qui va pouvoir être en connexion avec d'autres joueurs. Et donc, visiblement, on pourra avoir des interconnexions avec les autres joueurs qui jouent au jeu, mais de manière pas totalement directe, etc. Alors, on a eu des choses... Fou. J'ai pas de jeu en tête comme ça, mais je sais qu'il y a des jeux qui proposaient ce genre d'expérience. Ouais. Bon, un des premiers qui me revient en tête, mais c'était encore différent, mais c'était Demon's Souls, justement, où quand tu appuyais sur la tâche de sang... tu voyais les autres joueurs, ce qu'ils avaient fait ou autre, comment ils étaient morts, etc. Mais ça faisait partie de ces options multijoueurs qui sortaient du lot, justement. Ouais. On a le cas de Journée aussi, que tu as cité tout à l'heure. C'est vraiment multijoueur très particulier, on n'est pas dans le classique, donc ouais, pourquoi pas. Mais moi, oui, je m'attends vraiment à un jeu très particulier, très conceptuel, comme tu dis. Et là, aime ou on n'aime pas. Là, il parlait d'une approche qui, pour le moment, n'avait jamais été... Abordé, voilà, j'allais dire évoqué, mais c'est plutôt abordé dans le domaine du jeu vidéo. Donc, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Alors, moi, j'ai pas de PS4. Généralement, je préfère acheter les consoles en fin de génération. Mais clairement, ça fait partie des jeux qui là me donneraient envie d'en prendre une. Moi aussi, mais comme il y a la PlayStation 5 qui arrive, voilà, je me pose la question. Voilà. Après, il y a aussi l'aspect financier, etc. Je peux pas dire non plus à quelle sauce je serai en fin d'année prochaine. J'ai limite envie de dire personne. On l'achètera à la médiathèque. Et voilà. Mais voilà, parce qu'il y a aussi, plein de jeux. Non, il y a pas plein de jeux sur PS4, mais il y a des exclusivités qui m'intéressent quand même. Voilà. Je suis pas un grand fan de David Cage non plus, mais j'aimerais bien essayer des trois. Carrément. J'aimerais bien essayer aussi le jeu par le créateur de la série des Souls qui a fait l'exclu sur PS4. J'ai plus le nom, je suis désolé. Pourtant, il est super connu le jeu. Sekiro. Sekiro, ouais, mais il est sur PC aussi, donc lui, ça dérange. Non, l'autre, l'un des tout premiers qui est sorti avec une ambiance très Cthulhu et très victorienne. J'ai plus de nom. Je suis sûr que là, derrière sous les écouteurs, c'est en train de surchauffer en disant, c'est ce jeu-là. Ouais, mais c'est pas toujours facile quand on est en train de parler. On a plein de trucs qui nous viennent en tête et se souvenir de tous les noms, etc. Bloodborne. Ah, Bloodborne. Voilà, ça y est. Effectivement. Ah oui. Voilà. Last of Us 2 aussi fait partie des jeux qui me donneraient envie d'acheter une PlayStation 4, même si, alors, je vais peut-être me faire taper dessus, mais Last of Us, premier du nom, est pas parfait. Je suis désolé. Niveau histoire, j'ai bien aimé. Niveau ambiance, j'ai bien aimé. Mais alors, niveau technique et gameplay, il y a des gros problèmes. Je suis désolé, mais le coup des alliés qui se font pas repérer par les ennemis, moi, ça m'a sorti du jeu plus d'une fois. Moi, ça fait partie vraiment des jeux qui m'ont énormément marqué au cours des 10 dernières années. Je pourrais citer du Catherine, du Journée. Et du coup, il y a The Last of Us. Par contre, effectivement, j'ai pas trouvé que ce qui était le plus intéressant dans ce jeu, c'était les phases de gameplay. Il y a même certains moments où j'aurais préféré avoir moins de gameplay et plus de cinématique, tu vois. Oui, moi, c'est vraiment l'histoire, l'ambiance, etc., qui m'a plu. Je suis complètement d'accord. La musique, j'ai beaucoup aimé la musique du jeu. Mais niveau gameplay, j'ai des fous. Alors, je suis pas un rageux, je suis pas un joueur du grenier, si j'ose dire, derrière mon écran. Mais la preuve, j'ai fini, par exemple, un jeu comme Ninja Gaiden sans m'énerver, ce qui est quand même pas mal. Mais il y a vraiment des moments où j'ai posé la manette, j'ai dit non, c'est bon, je laisse tomber, quoi. Ouais. C'est pas possible, là, je suis planqué, je me fais pas repérer, et puis l'autre, je suis désolé, l'autre gamine, là, sort de son trou, ou les ennemis qui se téléportent aussi, enfin, je me souviens d'une séquence, je suis au bout d'un couloir, Je me dis, ça y est, le mec, il s'en va, grand habitué de Metal Gear, de Splinter Cell, etc. Ça y est, il s'en va, je vais pouvoir avancer dans le couloir. What? Je sors de mon trou, parce que le mec était sorti de l'écran, était sorti de ma vision, etc. Ouais. Champ de vision. Paf, il est devant moi. C'est quoi cette histoire? Le mec, s'est téléporté devant moi ou quoi? C'est quoi ça m'a gonflé. Non, le jeu est pas parfait, mais ça reste quand même un des grands jeux marquants, je pense, de ces années. Oui, non, mais. Et de toute façon, le 2, à mon avis. Mais le 2, la preuve que malgré ses défauts, j'ai quand même apprécié le premier. Le 2, avec Death Stranding pour son côté très, très Kojima-esque, on va dire. Ouais. C'est les deux jeux de fin d'année qui pourraient me faire acheter. On après, a une date de sortie pour le Last of Us 2 ou... Je crois que c'est en fin d'année, j'ai pas de date en tête. Mais cette fin d'année là? Il me semble que cette fin d'année ou début de l'année prochaine. Ouais, je crois. Ils l'ont pas. Je crois qu'ils l'ont prévu en avril parce qu'il me semble qu'il y a un gros jeu. Je me demande si c'est pas celui-là qui a été annoncé en avril, quasi en même temps que Cyberpunk, et je me suis dit, oh les mecs, vous venez de vous tirer une balle dans le pied là. 21 février 2020 pour The Last of Us 2. Là, je suis en train de regarder. D'accord, donc c'est avant, ça va, ouais. Ça va. D'accord. Mais après, on parlait d'aspect financier aussi. Après, à voir les promos, on va avoir en fin d'année. Ouais, on parle des jeux, que ça soit pour aider les gens ou donner notre avis sur les jeux de fin d'année. Mais il y a aussi le cas aussi, on a toujours des grosses promos consoles ou même il y a le Black Friday aussi qui arrive dans pas longtemps. Ouais. On a souvent des grosses promos. Ouais, c'est sûr que si je trouve une PlayStation 4 ou même une PlayStation Slim ou même une PlayStation Pro à très bon prix, c'est pas dit que je craque pas. Ouais, carrément. Si j'en ai la possibilité, voilà. Et tu vois. Last of Us 2, je suis assez partagé. Alors là, on sort un petit peu du cadre, mais ça reste intéressant. C'est un jeu que j'attends autant que je n'attends pas, en fait. Parce que le truc, c'est que je trouve que le The Last of Us premier du nom... C'est un jeu classique, en fait, c'est ça que tu veux dire ? Il se suffit à lui-même, en fait. Moi, j'ai toujours peur... La suite de trop, c'est ça ? Ben voilà. Du jeu à succès, on veut étendre le truc, et est-ce que c'était nécessaire, tu vois ? Le syndrome... Alors, j'ai pas regardé la saison 3, mais le syndrome de Stranger Things, tu vois. Stranger Things, j'ai regardé la saison 1, j'ai adoré... Et en fait, j'ai pas aimé les deux dernières minutes parce que ça nous promettait une saison 2. Je fais, mais la saison 1 se suffisait à elle-même. Et du coup, ils sortent la saison 2, je regarde le premier épisode, je fais, c'est naze, et j'ai arrêté. Après, ils sont partis pour faire l'histoire d'Ellie, entre guillemets. Donc, c'est bien Ellie, la gamine. Ouais, possible. Hein. Donc, non, moi, ça va. Après, ils ont pris le temps de le développer aussi. Je veux dire, c'est pas un jeu... ouais, on vous l'annonce, puis il sort 2 ans plus tard, ou machin. Non, apparemment, ils ont pris le temps. Donc, ouais. Après, oui, j'aurais une PS4, tu me dirais, quel est entre les deux, lequel t'attends le plus? C'est clairement le Kojima. Hein. Oui, il y a pas photo. Aussi. Voilà. Mais, parce qu'on a une nouvelle proposition, en fait. Bah oui, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des AAA, c'est qu'ils suivent, ils se ressemblent, c'est toujours la même chose. On change le décor, on change parfois l'aspect technique, mais pour le reste... Moi, je trouve que, carrément, un nouveau nom dans le jeu vidéo signé Kojima, il y a quand même quelque chose d'assez excitant de se dire... Une nouvelle licence. Une nouvelle proposition. Puis attends, c'est pas que Kojima. Oui, non. Quand tu vois le casting, et puis que tu vois aussi, à la base, si je me trompe pas, c'est un petit peu parti sur la coopération avortée entre Del Toro, que j'aime beaucoup, et Kojima sur un Silent Hill, et puis ils sont partis sur autre chose, puis après, c'est tombé sur Death Stranding. Ouais. Un des premiers visuels de Death Stranding, c'est quand même Guillermo Del Toro, je crois qu'il est sous l'espèce de pont, qui est en train de se faire envahir par une espèce de pétrole, ou je sais pas quoi. T'as Mike Middleton aussi, si je me trompe pas. Alors moi et les noms, c'est toujours compliqué. Mais en fait, t'as beaucoup de personnalités du cinéma et quand on sait que Kojima est un cinéphile, ouais, c'est clair. Voilà, il y a quand même du. Mais franchement, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même une âme dedans. Je t'invite à aller voir 2-3 interviews de Kojima là, parce que moi, j'ai pas envie. Ah oui. Je préférerais les regarder après. Ben moi, tu vois, je trouve ça me fait un peu. Je sais pas quand j'y jouerai, mais je préfère attendre de jouer au jeu justement pour. Il y a ce côté énigmatique, moi, qui m'interpelle, qui m'intrigue et qui me donne... Au moins, tu sais que quand tu joueras au jeu, t'auras vraiment quelque chose qui devrait te surprendre, qui devrait te sortir Et en fait, ça qui est assez fou, c'est que j'ai beau avoir vu des interviews, je sais quand même pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Et c'est ça que je trouve génial. Je crois que personne ne le sait vraiment. Ouais. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, je l'ai mis un petit peu à l'écart, quoi. Je le trouve limite hors concours. Et en fait, j'étais en train de regarder les gros jeux marquants en quelque sorte de la fin d'année sont déjà en grande partie sortis là pendant ce mois de septembre. Oui, bah il y a le Zelda, il y a les classiques. Bah en dehors de la Switch, je veux dire un des jeux qui était très attendu par une partie, pas par moi, mais par une partie des joueurs, c'était Borderlands 3, il est sorti. C'est ça. Il y a eu les classiques annuels FIFA, NBA, etc. Qui commence, je crois que FIFA est sorti il y a quelques temps, il commence déjà à y avoir quelques soucis apparemment. Je sais ah pas. Oui. J'ai pas trop saisi, mais je suis pas trop intéressé, mais apparemment. Il y aura quelques entre guillemets arnaques, alors je sais pas à quel niveau, donc j'en parlerai pas plus, mais apparemment quelques petits soucis. Bon. Non, on a tous les jeux habituels, on a le Call of Duty. Il n'est pas encore arrivé le Call of Duty, il va arriver. J'ai vu une édition Modern Warfare quelque chose là qui doit sortir. Bah c'est en fait Je m'en fous. En fait, ils veulent réinventer. C'est juste le trailer de l'E3 que j'ai vu, c'est tout. Ouais. Mais ils veulent réinventer Modern Warfare, je sais pas ce qu'ils veulent faire. De toute façon, les Call of Moisy, moi ça fait des lustres, j'en ai strictement rien à cirer de toute façon. Il y a un jeu parce que j'aime bien l'univers, mais c'est pas un jeu que je vais courir après, pour être franc, parce que justement la démo qu'il y a eu à l'E3 m'a refroidi, mais d'une force. C'est Fallen Order, Star Wars Fallen Order. Bon, quand il sortira, je vais quand même me renseigner dessus, etc. Mais je vais pas courir après, c'est sûr. Bah, on en entend presque pas parler non plus. Oh, y a eu un petit trailer qui est sorti il y a pas longtemps, c'est tout. Ça a pas fait vibrer Internet. Ouais. Quoi. Moi, j'en entends parler parce que je joue de temps en temps à Battlefront 2, et puis forcément, quand t'arrives à l'écran d'accueil, il y a Fallen Order qui sort bientôt. Ouais. Ça serait pas là, je m'en souviendrais pas, je pense. Mais, non, je m'attends à un jeu sans âme comme tous les autres. Voilà, ça va être le thème. Hein. Et là, dans les jours à venir, on a un petit jeu sympathique qui devrait sortir. C'est Train 4. Je sais pas si t'as eu l'occasion de faire. J'ai fait le premier. J'ai pas encore fait les autres. Mon préféré, c'est le 2. Je t'invite très fortement. Alors, j'ai pas fait le 3 parce que j'avais lu beaucoup de retours négatifs dessus. Peut-être que je le ferai à l'occasion. Mais du coup, je suis assez enthousiaste à. S'il sort sur Switch, c'est plutôt un jeu que j'achèterais sur Switch, parce que j'ai cru comprendre qu'on peut jouer en coop. Sur Switch, et d'ailleurs, ils vont sortir, ou ils ont sorti. Non, ils ont sorti la trilogie. Train 1 plus Train 2, si je me trompe pas, et Train 3 à part. Mais ils sont tous dispo sur Switch, ceux-là. Ouais. Et du coup, le 4 sortira sur Switch. Hein. Je l'ai vu passer. Et si je me trompe pas, c'est vraiment dans les jours à venir. De mémoire, ça doit être le 8 octobre ou quelque chose comme ça. Si, en jeu que j'attends, mais là, ça va être très mesquin de ma part, parce que je m'attends à une catastrophe. Dis-moi tout. Ah, c'est Shenmue 3. Ah oui, c'est vrai. Je m'attends à une catastrophe. Mois de novembre, si je me trompe pas, non? Ouais, il me semble. Je sais pas, je l'ai pas retenu à date de sortie, mais je m'attends tellement à une catastrophe, ce mais jeu, tout que... Tout le monde sait déjà. Enfin... J'attends justement qu'il se prend le mur, quoi. C'est ça. Je pense que là, le niveau d'attente des joueurs est placé tellement bas que si ça se trouve, le jeu sera peut-être correct et les gens se diront, On en avait parlé à l'E3, moi j'avais juste dit, mais si c'était juste, si c'était juste le jeu, la suite de ce qui aurait dû être la suite de Shenmue 2 de l'époque, retranscrit aujourd'hui, je me dis, c'est pas ça qui me dérange le plus. Que l'aspect technique soit très début des années 2000 ne me dérange pas plus que ça. C'est juste que derrière, il y a toute une histoire de pognon et que c'est clairement pas à la hauteur des investissements qui ont été faits dedans. Je suis désolé, c'est clairement pas à la hauteur. Et en plus, aussi, petite parenthèse, on avait parlé à l'E3, Yu Suzuki qui nous dit « Ouais, mais non, en fait, là, on sera juste à peine, même pas à la moitié de l'histoire, quoi. » Donc, non, c'est pas la peine. Tu parles tard de Frostpunk, non? Ils vont sortir visiblement une version physique sur PS4 et Xbox One. Je l'ai sur GOG, donc ça... Non. Et ouais, du coup, pour revenir rapidement sur Train 4, c'est bien sorti le 8 octobre. Hein, okay. C'est déjà dispo, donc. Là, on est le... Ouais, le temps que ça sorte, ouais, c'est dispo pour vous. Effectivement. Il y a aussi Medieval qui va ressortir sur PS4. C'est le remake, PS4. Ça ouais, le remake D'accord. sur PS4. Et est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de Luigi Mansion 3? Parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, mais c'est une série que j'ai découvert, moi. Donc je ne connais pas les anciens Luigi's Mansion, okay. Mais l'idée me plaît beaucoup, quoi, de ce manoir hanté assez drôle. Moi, je me souviens de quand j'ai vu Luigi qui rentre dans une pièce puis que c'est un grand désert, je me dis ok, ça a l'air tellement loufoque, ça va me plaire, quoi. Non, l'idée me plaît, c'est vraiment parce que le jeu me plaît, etc. Je sais qu'il est très attendu par une partie de la communauté Nintendo, ouais, voilà, qui connaît sans doute les anciens. Moi, ne le connaissant pas, voilà, je vais pas dire que je l'attends pas plus que ça. Je l'attends évidemment, mais voilà, ça va être une découverte. Voilà. Eh ben, si c'est au niveau du premier et du deuxième, tu peux t'attendre à quelque chose de chouette. J'espère bien. Sachant que déjà le deuxième était alors c'est pas qu'il était techniquement plus réussi, mais le premier sur GameCube était très chouette, mais un peu court. Tu vois clairement ils avaient une idée. Qu'ils en ont fait un jeu, mais que ça aurait mérité. C'est souvent les premiers jeux, ça va pas jusqu'au bout, quoi. Et le 2 sur 3DS, c'était une vraie réussite, et je pense que là, avec en plus les capacités techniques de la 3DS, sur Switch, il y a vraiment moyen de s'éclater. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Et là, clairement, on est sur le jeu chouette de fin d'année qu'on peut facilement offrir. Pour petits et grands. C'est hyper chouette. Après, j'y ai pas encore joué, mais déjà Zelda, c'est un beau cadeau. ouais, bah là c'est clair bien. Que moi je pense que c'est le petit kiff que je me ferai en fin d'année, c'est ce Zelda et peut-être une Switch Lite parce que. Les deux vont bien ensemble, hein, je pense là. Je pense que le jeu de cette fin d'année, et on met, je pense, le Kojima à part, parce que comme on disait, c'est une bulle, c'est quelque chose de différent. C'est trop différent, vraiment. C'est clairement, je pense, ce Zelda, il est... Mais c'est un jeu de base, c'est un jeu qui a plus de 20 ans, c'est quand même dingue. Ouais. C'est ça qui est... Après, Luigi's, voilà, on parle de Luigi's Mansion 3, voilà, le jeu est pas encore sorti, on sait pas quelle qualité il aura. Après, c'est Nintendo. Quand même, ouais. Hein, donc il y a quand même un certain niveau de qualité quand même. Voilà, peut-être qu'il sera vraiment excellent, etc. Que ça sera un très bon jeu de fin d'année, et tant mieux. Je pense que ça sera pas le comment dire, il sera au-dessus de la moyenne. De toute façon, je pense qu'il sera au-dessus de la moyenne. Il y a pas à discuter. Voilà. Connaissant pas la série, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un jeu que j'attendais beaucoup moins que le reste. Le Zelda aussi, il y a quand même un peu tout ce qu'on m'a dit aussi sur la version Game Boy, etc., qu'on disait qui était vraiment excellent, carrément. Etc. Bon, quand j'ai vu le trailer, le côté tout mignon et la musique, etc., déjà, j'avais craqué sur le jeu, donc voilà. Après, on peut quand même s'attendre en top des ventes, le Pokémon épée et bouclier. C'est vrai que lui, ça peut être un gros morceau de fin d'année, ouais, c'est vrai. C'est clair. Moi, je suis pas fan, donc je l'ai oublié, c'est vrai. Mais si on écarte mon goût personnel, c'est vrai que c'est quand même le gros morceau de la fin d'année. Et mine de rien, ça reste quand même le premier vrai jeu Pokémon qui va sortir sur la Switch, parce que Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli étaient des remakes entre guillemets de la première. Des remakes un peu simplifiés. Du coup, là, on va enfin avoir cette fameuse proposition qui nous avait été vendue par Nintendo comme un vrai jeu Pokémon qu'on pourra jouer sur console dans son salon, etc. Là, je suis en train de réfléchir à un truc, mais je suis en train de me dire, mais tu te rends compte quand même qu'on parle beaucoup de jeux Nintendo, en fait. Est-ce qu'on a un gros jeu, par exemple, Xbox en fin d'année? Là, normalement, il y a pas grand-chose. C'est Gears 5. En fait. Gears 5 est déjà sorti. Ouais. Et apparemment, c'est. Il a bien marché ou pas? Parce que je sais pas. Plus entendu parler. Moi, je me suis juste intéressé parce que je connais la série des Gears of War. J'ai bien aimé la trilogie de base, même si le reproche que je faisais à la trilogie de base, en fait, finalement, c'est que c'était un peu toujours le même jeu. Ouais. Voilà. Et apparemment, Gears 5, c'est la suite de Gears 4, quoi. Voilà. C'est techniquement, par contre, c'est superbe. Ouais. Voilà, j'ai vu des vidéos sur la version PC je me souviens jamais du nom de cette chaîne, mais il y a une chaîne de jeux vidéo qui fait souvent des analyses techniques, que ça soit sur Switch, PC ou autre, des jeux. Je tombe des fois sur leur. Voilà. Et j'avais regardé leur analyse technique de Gears 5. Ouais, c'est vrai que graphiquement, c'est une tuerie. Il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, apparemment, on m'a aussi expliqué qu'il y avait deux zones open world dedans. Enfin bon. Mais c'est un triple A, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est tout sur Xbox, c'est tout. Sur PlayStation 4, on a Death Stranding. On a Shenmue. Ouais, non, Shenmue. Non, mais là je dis ça pour te faire rire. Boum, voilà, puis les multiplateformes, c'est pas une exclu PS4, ouais, voilà. On a le remake que tu as cité tout à l'heure, mais je pense pas que ça soit le jeu le plus attendu de fin d'année non plus. Non. Mais je veux dire, on a un gros jeu qui est déjà sorti sur Xbox mais apparemment est moyen. On a je vais pas dire un gros jeu, je vais juste dire Kojima. Ouais. C'est simple. Kojima sur PS4, on a un peu l'impression que c'est tu l'aimes ou tu le détestes. Sur PC, si on enlève les jeux indés, parce que les jeux indés, c'est toujours assez difficile de les lister quand ils sortent ou autre. Des fois, il y en a qui arrivent par surprise, etc. C'est toujours assez difficile. Tu as les jeux multiplateformes de fin d'année, j'ai envie de dire, le Ubisoft, le Call of Duty, le ceci, le cela. Mais t'as pas de grosses exclus. C'est ce que j'allais dire. En réalité, là, je suis en train de regarder toutes les sorties jusque fin décembre. En hors Death Stranding. Pourtant, je suis sûr que la liste est longue, hein, des jeux qui sortent en fin d'année. Mais on n'a pas de mais gros... les deux seuls gros jeux. Si on enlève Nintendo, entre guillemets. Hors Nintendo, mais c'est du multiplateforme, c'est pas des exclus. En gros, c'est le Ghost Recon qui vient de sortir. Et le Call of Duty Modern Warfare qui sort le 25 octobre de cette année, quoi. Et Red Dead Redemption 2. Oui, sur PC. Sur PC, mais bon, les joueurs consoles y ont déjà joué. Ça n'intéresse finalement que, entre guillemets, les joueurs PC. C'est pas vraiment la grosse sortie de l'année non plus. Et en fait, tu dis que hors Nintendo, pour quelqu'un qui est pas très jeu de tir, en gros, bah y a pas grand chose, quoi. Je suis assez étonné. Si t'es jeu de tir, ça, tu vas plutôt aller voir du côté Doom Eternal, parce que tu sais que Doom, c'est la valeur sûre en termes de jeu de tir bourrin. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, notamment, par exemple, on sait que le Ghost Recon, il va cartonner, le malheureusement. Ghost Recon, il va bien marcher aussi. Malheureusement. Oui, non, mais c'est un avis personnel, après, vous avez Non, mais bien sûr, globalement, je le partage, même si j'ai rien, moi, personnellement, contre ces jeux, mais c'est pas des choses qui me séduisent, quoi. J'ai l'impression de reboire la même soupe à chaque fois. Non, mais c'est pas que j'ai quelque chose de personnel. Bon, encore que Ghost Recon, j'ai toujours la mémoire des premiers jeux auxquels j'ai joué, etc. Ouais. Bon, mais ça fait des années. Non, c'est pas personnel vis-à-vis d'Ubisoft, encore que le coût de la connexion obligatoire permanente pour jouer à Ghost Recon, je trouve ça complètement débile, mais passons. Mais c'est pas personnel, c'est juste que, comme tu dis, c'est des jeux, mais déjà vus, déjà joués. Il y a aucun intérêt, il y a pas d'âme. Encore une fois, c'est peut-être pour ça qu'on est si, qu'on le met tant de côté. Ouais. C'est que Death Stranding, on sait qu'il aura une âme, mais il aura une âme vraiment particulière. Il aura l'âme Kojima. Et ça sera tellement particulier. Enfin, on se trompe peut-être, hein, aussi, mais voilà, ça sera tu l'aimes ou tu le détestes. Mais on n'a pas, hors Nintendo Switch, encore une fois, on n'a pas ces gros jeux qui on n'en a pas. Alors peut-être du côté indé, on aura plein de bonnes surprises, et c'est tant mieux, à condition que ça soit pas des exclus EGS, merci, mais comme c'est la mode, de toute façon, c'est foutu. Mais voilà, et encore, on fait l'effort de s'arrêter à décembre. Oui. Voilà, on a cité Last of Us 2 tout à l'heure, parce qu'on pensait qu'il sortait en fin d'année, finalement, tu me dis en février. Oui, c'est ça. Bon, bah voilà, et on a fait l'effort, mais désolé, je vais le sortir, Cyberpunk, on l'a pas cité. Mais le gros jeu vraiment le plus attendu, multiplateforme, c'est quand même Cyberpunk. Ouais. Il sort en avril. Il sort pas en fin d'année. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je pense qu'on est tous les deux d'accord, là, pour dire que pour la fin d'année, clairement, c'est la Nintendo et les joueurs Nintendo qui vont se régaler. Franchement, si vous êtes joueur et que vous avez déjà une Xbox, une PlayStation 4 ou les deux ou autre, craquez pour la Switch maintenant. C'est vrai que vous avez le choix entre une portable, ou moi personnellement j'aurais quand même tendance à vous dire attendez Noël, attendez les offres, et si vous arrivez à trouver une Switch classique, la nouvelle, avec tout le carton en rouge, mon avis, si vous la trouvez par exemple à 250€, c'est tout à fait possible, je pense, avec les promos de fin d'année, je pense que vous aurez plus intérêt à prendre la Switch normale que la Switch Lite. C'est un avis personnel, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes de jeux de fin d'année, et on parle juste des nouvelles sorties, encore une fois, hein. On parle pas des jeux indépendants qui sont portés sur la console, parce qu'il y en a un paquet, c'est juste dingue. Il y a Ori qui est sorti il y a pas longtemps, par exemple, un très là, bon jeu. Regardez, il y a pas mal de choses, il y a même des gros jeux. Il va y avoir l'arrivée de Witcher 3, je crois, aussi. Alors The Witcher 3, je reste très partagé, parce que, techniquement, et c'est normal, hein. Techniquement, il a fallu faire des gros gros sacrifices sur le jeu. Ouais. J'ai bien du mal à considérer comme une grosse sortie sur Switch, mais et puis on a toujours aussi ces histoires de portage. On ne sait pas quand ils vont arriver forcément. Bon, je crois que Xenoblade Chronicle, il n'est pas pour cette fin d'année, il est pour début non. d'année prochaine. Mais il y avait le Final Fantasy VIII. Bon, il est déjà sorti, mais bon, qui est arrivé. Enfin, franchement, en termes purement jeu vidéo, si vous n'avez pas de Switch et que vous êtes intéressé, ouais, franchement, c'est la console de fin d'année, c'est les jeux de fin d'année. J'ai vraiment du mal à conseiller autre chose, hormis le PC, mais le PC, parce que vous avez plein de choix, mais ouais. C'est encore différent. Et du coup, là, du coup, on peut peut-être enchaîner sur une dernière question pour un petit peu clore tout ça, c'est est-ce que tu as déjà des premières attentes pour l'année 2020 ? Donc, tu parlais tout à l'heure de Cyberpunk, ça je... Bah, Cyberpunk, je vais pas revenir dessus. En termes de... Bah, il y a les nouvelles consoles, déjà. Ouais. J'attends de voir les nouvelles consoles et avec les jeux qui vont avec, les nouveaux jeux. Mmh. Alors, mon petit cœur de PC a plutôt tendance à regarder du côté de Microsoft et de Xbox parce qu'ils ont racheté beaucoup de studios très PC dans l'âme qui m'intéressent. Donc, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner, est-ce que ça sera des exclus, est-ce que ça sera sur PC, puis si c'est sur PC, est-ce que ça sortira, s'il vous plaît, en dehors du store Windows, parce que le store Windows, c'est juste... Je suis très critique vis-à-vis de GS, mais le store Windows, c'est encore pire. C'est une catastrophe, ce machin. Voilà, mais j'avoue qu'à aussi long terme, non, bah, je suis désolé, c'est encore les The Switch, quoi. Ouais. Le prochain Metroid, le prochain Bayonetta, ouais. Le prochain Zelda, si... Xbox plus Halo Infinite, parce que j'aime bien la saga Halo. Donc voilà, pareil. Si FF7, tu l'attends ou... Bah, pas plus que ça, dans le sens où c'est un remake, on connaît la qualité du jeu de base. Je veux dire, ça sera pas une surprise qu'il sera très bon. Je pense que c'est depuis l'E3, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus pour dire FF7, même si ça se limitera à Midgar, ça sera un très bon jeu. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que c'est plié, j'ai presque envie de dire. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Encore une fois, ça dépendra aussi si j'ai une PS4 ou pas à ce moment-là. Là, je suis en train de regarder des listes de jeux et on risque d'avoir quand même une année 2020 plutôt costaud. Autant côté Nintendo, t'as cité quelques jeux. On pense que puis le Nintendo. Prochain Zelda et puis l'année prochaine. Nintendo, tous les trois. Au mois de mars. Je suis pas un grand fan d'Animal Crossing, mais ouais, je comprends que c'est un jeu très attendu. Et là, je viens de voir que effectivement, il arrive assez rapidement le Monster Hunter World qui devrait arriver sur PC. Là. Il y est déjà sur ouais, PC. Mais c'est l'extension Winter. Iceborne. Ça Iceborne. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Mais bon, ça va surtout parler à certains. Je peux pas citer Homeworld parce qu'il est pas attendu avant 2022. Cite maintenant parce qu'il, parce que c'était mon actualité du précédent podcast. C'était l'annonce d'un prochain Homeworld. J'adore cette série, mais a priori, il est pas attendu avant 2021-2022, ce jeu, quoi. Par contre, il y a deux jeux qui me font sourire, là. Il y a le jeu Marvel, là, qui a été annoncé où les super-héros ont des tronches pas possibles. Tu l'as vu passer ou? Ouais, le Avenger Marvel, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est Square Enix qui... En fait, ils ont essayé de reproduire les acteurs, mais comme ils avaient pas les droits de reproduire les acteurs, ils ont fait des espèces de... C'est pas des caricatures, mais tu sens que les mecs ont voulu s'en approcher le plus possible sans avoir à payer des droits. Mais ils font limite flipper, là. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, en visage qui font limite flipper, je viens de m'en souvenir quand même, le dernier trailer de Fallen Under. Ouais. Vache, les visages, j'y arrive pas, moi. Et, on l'a oublié, mais je suis pas sûr que tu l'attendais, moi non plus, c'est le Watch Dogs Légion, prévu pour mars 2020. Édition collector avec une canne de grand-mère, j'imagine, un truc comme ça. Mais tu sais, j'attends même plus Beyond and Good Evil 2 depuis que j'ai appris qu'il faudra une connexion permanente. Tu vois que des fois aussi, il y a des petits détails qui suffisent à me faire lâcher un jeu. Ouais. Voilà. Il y aurait pas eu ça, je t'aurais dit, ouais, Beyond and Good Evil 2 l'année prochaine, je serais intéressé. Et il est sûr pour 2020 ou? J'ai presque envie de dire normalement, mais on a été tellement... J'ai un peu du mal à y croire, franchement. Ouais. Enfin, on n'est pas encore au stade de Duke Nukem Forever ou autre. Voilà. Bah, même, je pense qu'il va arriver, mais... C'était Red Dead, il avait été prolongé je ne sais combien de fois. Ils ont eu des gros soucis de développement, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il y en a marre, pourquoi il sort pas sur PC, Red Dead Redemption, premier du nom. Bon, je me suis renseigné, le développement était tellement difficile pour eux sur console que le porter sur PC, c'était même pas envisageable. Mais sur console, je crois qu'il a eu presque un an et demi de retard ou quelque chose comme ça. Hein. Ils ont galéré. Ouais, ils ont galéré à le développer le jeu. Donc, maintenant, il y a le 2 qui va sortir, il est très bien, donc voilà. Mais du coup, l'année 2020, pareil, on va regarder de près ce qui va se passer. Après, je pense qu'on va avoir beaucoup aussi, mais ça, je pense que ça va être les nouvelles consoles qui vont. Ouais, rebooster tout ça. Qui vont rebooster tout ça. En attendant, ça va être la Switch. De toute façon, avec Nintendo, je m'inquiète pas dans le sens où quasiment tous les 3 mois, ils nous sortent un Nintendo Direct plus ou moins pas attendu, si j'ose dire, et puis ils nous balancent de nouveaux jeux dedans. Donc, je pense que la Switch, c'est vraiment la valeur sûre dans le sens où je pense que pour les prochaines années, on est tranquille, on est sûr d'avoir toujours des bons jeux, que ça soit des gros jeux ou des jeux indés ou des portages de jeux indés. Petite parenthèse, tiens. J'en avais parlé dans un podcast. N'achetez pas Deadly Premonition sur Switch. Je me suis renseigné, le jeu déconne. Ah oui. La seule bonne version, c'est la version Xbox 360 qui tourne bien. La version PC, ça déconne. La version PlayStation, ça déconne. C'est Rime aussi, paraît-il, qui est pas très très stable sur la version Switch. Ah oui, lui, ça fait un moment. Ouais. Ouais, par contre, j'avais oublié. Mais lui, c'était un des premiers jeux sortis sur la console. Il est sorti assez tôt, mais du coup, généralement, les gens ont plus tendance à y aller soit sur PC, soit sur les deux autres consoles un peu plus costauds. Mais voilà, en gros, on a un petit peu décrypté ce qui est prévu pour cette fin d'année. Clairement, nous, on va plutôt s'orienter vers les jeux Nintendo. En quantité, il y a beaucoup de choses. Ouais. Je ne doute pas qu'il y a une liste très longue en termes de quantité. En termes de qualité, par contre, moi je vais dire que ça se compte sur les doigts d'une main. Si on est assez large, on va dire des deux mains. Mais on a cité Death Stranding, on a cité Luigi's Mansion. Mm-hmm. On parle en jeu à venir. Déjà ça fait deux et j'ai un peu de mal à trouver un troisième déjà. Je pense que c'était un petit peu tout ce qu'on avait à dire. Alors, je vais regarder dans mes notes parce qu'on a eu une question la dernière fois. Ah, voilà. En fait, je prends mes notes pour retrouver le pseudo. Je vais retrouver ça, mais en gros, la question nous a été posée et il s'agissait de donner, en gros, nos attentes concernant la prochaine génération de consoles. Alors ça pourrait faire presque un débat complet, mais moi, ça m'intéresse de savoir brièvement ce que t'attends un peu de la prochaine génération. Honnêtement, j'en attends pas grand-chose. Franchement, ça va être comme d'habitude un surplus de puissance. Alors c'est une question de Kirby. D'accord. pour répondre à Kirby, je pense qu'en termes de console elle-même, j'attends pas quelque chose d'original, quelque chose de voilà. Je pense qu'on va avoir un surplus de puissance. Il y a pas de voilà. On a déjà aussi quelques informations techniques. On sait que les deux consoles auront un processeur AMD Ryzen qui supporte le ray tracing. On sait que niveau GPU, ça sera probablement à peu près du même niveau, même s'ils ont pas choisi la même orientation. Il y a quelques petites questions. Tout ce que je parle là, en fait, apparemment, il y a un studio qui a reçu... les studios ont commencé à recevoir les kits de développement. Okay. Et comme d'habitude, certains lâchent quelques petites infos ici et là. Apparemment, le ray tracing serait pas géré de la même façon sur PlayStation 5 que sur Xbox, mais en tant que joueur, je pense que ça fera pas une grande différence. Faut plutôt être technophile pour voir ça. Ouais. Apparemment, selon les premiers retours, les chargements sont plus rapides sur PlayStation 4. On parle bien des temps de chargement. Sur la Xbox, par contre, ça serait sur l'aspect graphique qu'elle serait plus performante, parce qu'apparemment, le temps d'affichage des images serait beaucoup plus court. Mmh. Voilà. Bon, mais globalement, je pense qu'on aura deux grosses consoles puissantes, deux grosses machines multimédia. Je pense pas qu'il faudra s'attendre. Peut-être dans l'air du temps, j'ai envie de dire la seule nouveauté, peut-être, ça sera dans l'air du temps, parce qu'on parle aussi de caméra. Gestion de webcam, de caméra, et vu que le streaming est dans l'air du temps, je serais pas étonné qu'ils proposent une petite option spéciale stream ou autre, enfin qu'ils optimisent de ce côté-là. Ça c'est sûr que ça arrivera côté Microsoft, parce que là, le fait qu'ils essayent de mettre à fond en avant leur plateforme de streaming Mixer, avoir la possibilité de streamer directement Xbox. Tout ce qui est cloud, streaming, j'ai envie de dire, c'est déjà... ça sera probablement le truc sur lequel ils vont plus s'axer, parce que ça sera probablement la principale nouveauté. Mais même si moi je suis pas plus fan que ça, mais ça sera probablement le truc... Donc pas d'attente particulière. Non, Ma petite sensation, c'est qu'on aura peut-être, je dis bien peut-être, comment dire, un certain sentiment de dernière console, comment dire, physique. Ouais. Parce que j'ai la sensation que du côté de Microsoft, on veut sortir une grosse Xbox avec un lecteur optique, faut le préciser, et rétrocompatible avec... Alors, c'est facile pour eux, hein, ça a toujours été la même plateforme, la même technologie, donc c'est facile pour eux de le faire, mais vraiment l'aspect, voilà. Vous savez, cette Xbox, vous avez accès à tous les jeux précédents, tous. Mmh. Voilà, enfin tous profitez-en, certaines mesures, voilà. Et comme si voilà, c'était un petit peu le champ du cygne, enfin la dernière. Je sais pas comment sera l'avenir. Côté PlayStation, j'ai un petit peu l'impression aussi qu'on s'oriente de ce côté-là, parce que l'air de rien, annoncer que la PlayStation 5, et ça apparemment c'est acquis, sera rétrocompatible avec la PlayStation 4, déjà c'est énorme. Parce que la PS4 n'est pas rétrocompatible avec la PS3. La PS3 n'était pas rétrocompatible, sauf un modèle, n'était pas rétrocompatible avec la PS2. La PlayStation 2, par contre, était rétrocompatible avec la PlayStation 1, il me semble. Donc, pour ça, même du côté de Sony, apparemment, et il y a toujours cette histoire de brevet, où vous avez déposé un brevet où il était bien question de rétrocompatibilité hardware. Ouais. Et pas simplement software via du streaming avec le PlayStation Now, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment cette sensation, peut-être qu'on se dirige vers les dernières consoles telles que vous les connaissez. Ouais, je vois. Après, à voir comment ça se déroule, parce que le succès du streaming du cloud n'est pas encore acquis. Mmh. Pour rappel, hein, Stadia est disponible. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, personnellement, depuis l'annonce, rien du tout. Je sais que la plateforme est présente, je sais que Red Dead Redemption 2, par exemple, va sortir dessus, mais honnêtement, apparemment... Ça casse pas des briques. En tout cas, on n'a pas de chiffres, on n'a rien. Et c'est aussi parce que le service ne correspond pas à ce qui avait été plus ou moins présenté au départ. On n'est pas sur, en gros, pour schématiser, on n'est pas sur un Netflix du jeu vidéo, on n'est pas sur du streaming. Ouais. Pour le moment, il faut télécharger. Mais pour le moment, pour faire une comparaison, hein, c'est simple. Voilà, depuis l'annonce, moi, j'ai même pas vu de publicité ou autre pour me dire « Ah, ça y est, Stadia est disponible. » Il faut acheter ses jeux pour le moment. C'est pas un abonnement. Faut acheter ses jeux. Mais pour dire la grosse différence, je veux dire, Stadia, depuis l'annonce, j'en ai quasiment pas entendu parler. Et par contre, Sony a annoncé qu'il baissait le prix de 20 à 9,99€ le PlayStation Now. Ça fait le tour de tous les médias spécialisés. Ouais. Voilà, donc c'est pour dire la différence. On a eu une toute petite annonce de Sony, tout le monde l'a vu. Stadia... Et moi, de mon côté, en fait, on sait que les prochaines consoles annoncées, ce sera plutôt côté, du coup, Microsoft et Sony. Et moi, l'annonce... Est-ce qu'on aura une Switch Pro? Bah, en fait, c'est ça. C'est que moi, l'annonce d'une nouvelle console Sony ou Microsoft, en réalité, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais à chaque fois à quoi m'attendre. C'est, globalement, c'est la même console qu'avant, mais en plus. C'est un cap graphique, voilà. C'est un cap technique et c'est tout. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aime bien et c'est pour ça que j'aime en Nintendo, c'est que Nintendo, quand ils arrivent avec une nouvelle façon de jouer, console, c'est voilà, c'est ça, c'est une nouvelle façon de jouer. Et du coup, bah si je devais attendre une console, mais je sais que c'est pas pour tout de suite, bah ce serait celle qui devrait succéder à la Switch, mais là la Switch Pro. Pense que Alors, et puis déjà, après la Switch 2 entre guillemets pour l'appeler comme mais ça. Mais voilà, en gros, ce serait ce qui devrait succéder à la Switch, mais là on sait très bien que c'est pas du tout pour tout de suite. Oh non. Du coup, des attentes particulières, pas forcément, mais j'attends quand même de voir, parce que mine de rien, ce que va nous proposer ces deux consoles sera quand même annonciateur de la direction que prendra le marché du jeu vidéo dans les années à venir. Honnêtement, je les attends plus pour un aspect, comment dire, pragmatique, un aspect économique en fait. Ouais. Voilà. Si la PlayStation 5 me permet de jouer au jeu PlayStation 4 et... J'aimerais beaucoup jouer aux jeux PlayStation 3, PlayStation 2, et je parle bien en hardware, au format physique. Ouais, ok, ça m'intéresse. Comme ça, j'ai pas acheté une PS4. Mm. Voilà. Même chose pour la Xbox. À ce moment-là, je revends ma Xbox One S. Ouais. Voilà, parce que j'y joue pas tant que ça. Quoique si je devais attendre une chose, ce serait peut-être que, notamment côté PlayStation, ils travaillent sur une nouvelle manette. Moi, ça serait temps de la changer, leur manette. Je suis vraiment pas convaincu par leur DualShock, là, et j'aimerais beaucoup que sur la prochaine. Enfin, j'ai jamais été convaincu. Quand on avait que ça. Ouais. Voilà. Par contre, quand il a commencé à arriver la manette Xbox S, Je parle bien de la petite, et encore elle était pas parfaite, hein, mais de la petite, déjà ça me plaisait beaucoup plus. Quand il y a eu la manette Xbox 360, quand j'ai acheté la PlayStation 3, je dis, dès que je me trouve une manette similaire, de qualité, hein, parce que c'est, y a toujours les manettes merdiques ou autre, mais une manette similaire à la Xbox 360 compatible PlayStation 3, je la prends. Non, et quand tu vois le confort d'une manette comme celle de la Xbox One ou même de la Switch Pro, eh ben je me dis que clairement la DualShock est à la ramasse, quoi. Va pas donner de mauvaises idées à Sony, parce que la dernière fois qu'ils ont voulu changer leur manette, je te rappelle que c'était l'espèce de manette boomerang qui voulait nous balancer sur la PlayStation 3 sans la vibration, parce que la vibration c'était pas next gen. Va pas leur donner une mauvaise idée à ceux-là encore. Hein. Mais en tout cas, voilà, limite si je suis curieux de quelque chose, et si voir en gros globalement qu'est-ce que donneront les jeux esthétiquement sur la prochaine génération, mais on sait déjà plus ou moins. Écoute, t'attends avril, tu joues à Cyberpunk sur une machine de compétition, je pense que t'auras. Oui, voilà. Parce que voilà, Y a quand même le ray tracing, ça a l'air quand même plutôt enthousiasmant. Mais il est déjà là sur PC, entre guillemets. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a toujours aussi le décalage technique PC. Au début, quand les consoles sortent, elles sont quasi au niveau du PC. Et encore, personnellement, quand j'ai vu arriver l'Xbox One et la PlayStation 3, j'avais pas un gros PC et était déjà au niveau de mon PC. Je veux dire, j'aurais eu un gros PC, c'était déjà dépassé. En tout cas pour l'époque, à voir aussi. Mais je veux dire, si vous voulez déjà entre guillemets voir de ce que sera la prochaine génération, techniquement en tout cas, je pense pas qu'ils vont nous proposer quelque chose d'original en termes de jouabilité, de nouvelles façons de jouer. Mais en termes techniques, vous regardez même sur YouTube, comme j'ai dit, vous avez une chaîne, j'ai plus le nom, mais vous avez une chaîne qui fait des comparatifs, qui revient sur l'aspect technique de ces jeux-là. C'est Cyberpunk 2077, quand il sortira en avril, vous aurez clairement une vue de ce que sera la prochaine génération. Et je parle en termes de jeux. Parce que aussi, ça loupera pas, l'E3, on va avoir une tonne de trailers mensongers. Ils vont nous dire, c'est du in-game, mais personne jouait dessus ou autre, ça sera, voilà. Plus ancien, t'as Killzone 2, excuse-moi, mais quand ils ont annoncé Xbox 360, PlayStation 3, cette E3-là, niveau trailer mensonger, ça y allait, hein, et des deux côtés. On a beaucoup cité Killzone 2 à l'époque, mais ça allait des deux côtés. Hein. Les cinématiques absolument dingues qui nous balançaient, on les attend toujours, je suis désolé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Non. Ben voilà, du coup, ça nous a fait plaisir de discuter. Effectivement, je me suis pas questionné sur des propositions de sujets pour la prochaine fois. Est-ce que tu as envie... Alors, on en avait cité un au précédent podcast, Le Maudit. Voilà. Ce sujet-là, on le refera un de ces quatre, donc pas besoin de voter pour lui. Je pense que lui, on le fera à l'occasion, peut-être la prochaine fois ou autre. Ouais, on pourrait peut-être le refaire. Voilà, et un thème prochain. Quand même que j'avais proposé, justement, c'était quand les joueurs s'emparent de leurs jeux vidéo favoris. Carrément. Sauf que celui-là, on en a discuté en off, et on s'est dit, on le fera peut-être en deux parties, parce qu'on était parti sur le fait des jeux qui proposent aux joueurs de faire preuve d'imagination, avec des éditeurs de niveau, etc. Donc, tu avais cité un jeu à PlayStation, j'ai plus le nom, Little Big Planet. Voilà, Little Big Planet, Mario Maker, pour parler de plus récent. Donc, parler d'abord de cette catégorie de jeux-là. Ouais. Voilà, donc ça peut être très large. Hein. On a Fortnite qui propose un éditeur Minecraft, de niveau, Minecraft, les jeux Blizzard, Starcraft qui propose un éditeur de niveau. Voilà, tous ces jeux-là. Et dans une deuxième partie, parler de ce qui sort de l'ordinaire. Donc en dehors du jeu, en fait, donc les mods, mais aussi tout ce qui est chaîne YouTube, vidéo YouTube, parce que voilà, Machinima. Voilà, les gens qui refont des espèces d'histoires, de courts-métrages avec des jeux. Voilà, donc on s'était dit de le faire en deux parties. Ouais, carrément. Voilà. Ça peut être intéressant. On propose ce sujet-là en sachant qu'il sera, probablement, il prendra deux podcasts facilement. Et on vous rassure, le thème précédent, donc qui était le pixel, l'esthétique pixel, on leur fera à l'occasion. Ouais, carrément. On en reparlera à Fabien, et je trouverais même cool peut-être d'avoir, du coup, pour renouveler le débat, parce que on serait presque. Bah, des personnes différentes ou des personnes plus jeunes aussi, ouais, parce que c'est vrai que nous. Bah, comme dans les premiers numéros. Voilà, au dernier podcast, c'est vrai que nous, au dernier podcast, on a parlé un peu à l'ancienne, si j'ose dire. On a parlé de l'évolution, etc., de l'aspect technique. Mais c'est vrai que pour les jeunes qui découvrent, qui ont peut-être pas connu les vieux pixels sur Nintendo ou autre, ou même sur les vieux PC, hein, ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue. Du coup, on vous laisse le choix. On se retrouve. T'as pas vraiment le choix en fait, là, parce qu'on n'a pas proposé deux sujets. Eh ben, on a dit ce qu'on allait faire en fait. Ouais, bah voilà. À moins que t'aies un autre sujet qui te vienne en tête. Là, comme ça, à chaud, et surtout j'ai d'autres choses en tête avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ah bah après les anciens sujets que j'avais proposés, mais comme ça fait deux fois chacun qui sont pas passés, voilà. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourra changer et décider entre nous. Je pense que ces deux sujets-là vont intéresser, donc autant rester sur cela, sachant que l'autre. Va nous faire deux podcasts, donc c'est vrai que ça peut être... Bah du coup, on se donne rendez-vous le mois prochain, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou même, ça nous aide, nous, en termes de référencement, à laisser des petites étoiles à droite, à gauche, si ça vous a plu. Et la petite cloche, abonnez-vous, pouce bleu, c'est ça. Partagez sur Facebook, Twitter, machin. Voilà, on va faire les youtubeurs qui rappellent ça à chaque fin de vidéo. Non, mais c'est juste comme ça. Jouez bien et du coup au mois prochain. Puis préparez bien vos courses de fin d'année. C'est ça. Salut Duncan. Salut.